absorber le cosmos de notre cœur, s'enflammant et réussissant des choses prodigieuses, demeurant debout, continuellement blessé. On s'est rapproché de la lointaine Voie lactée. La légende du Pégase est le plus précieux de nos rêves. Elle forme les ailes de nos cœurs que personne ne peut nous dérober. C'est le Seiya, les jeunes gens sur ce chemin. C'est le Seiya, sont les héros de demain. Oh yeah, c'est le Seiya, comme un Pégase dans le ciel. C'est le Seiya. Comme je disais plus tôt, on va jouer de nos jours. Hein. 2023, c'est très bien. Okay. Dans le monde moderne. Ça fait depuis la dernière guerre sainte, je crois que ça fait 80 ans, si je ne dis pas de bêtises, que, voilà, que le monde il est en paix. Il n'y a pas d'Athéna actuellement. Je ne sais pas, depuis la dernière guerre sainte, où elle a disparu, elle ne s'est pas réincarnée, ou en tout cas pas à la connaissance du grand peuple et du sanctuaire. En plus du sanctuaire, il y a la fondation Grade qui avait été fondée par le grand-père Kido, le grand-père de la mortelle, enfin d'Athéna, ouais, de Saori Kido, la mortelle qui est devenue Athéna, ou Athéna qui, enfin bref, d'Athéna. La fondation Grade est devenue un peu toute puissante et elle a plus ou moins intégré le sanctuaire et c'est elle qui. Elle a plusieurs antennes un peu partout dans le monde et elle a mis en place plusieurs choses pour éviter qu'une nouvelle guerre sainte se reproduise. Elle a deux choses principalement, Ugin, qui a un réseau de surveillance mondiale, satellitaire, machin, pour vérifier tout ce qui se passe dans le monde et vérifier que tout passe bien. Et Mugin, qui sont des espèces de petits groupes secrets d'espions un peu partout aussi, pour essayer d'éviter que, voilà, l'idée, c'est qu'il ne doit plus y avoir de guerre sainte. Faut prendre des notes, j'étais pas chaud. Ah, on est tous en panique, là. Par rapport à la saga originale, on est 80 ans après la guerre sainte. On est à la fin du manga. On est 80 ans après la fin du manga. Il y a eu la fin du manga papier où Seiya, Athéna et tous, ils sont encore dans Elysion et tout s'effondre sur eux. Mmh. Et il s'est passé 80 ans et on est de nos jours. Okay. Tout nouveau sanctuaire qui a été reconstruit entre temps. La fondation Grade qui a monté en puissance. Okay. Qui a donc mis en place ces réseaux de surveillance et ces groupes d'espions pour éviter que la nouvelle guerre sainte se reproduise. Pas mal aussi d'orphelinats, en fait. La Fondation Grade a plein d'orphelinats et a formé en masse des chevaliers en envoyant des orphelins par centaines, si ce n'est par milliers au cours des différentes années pour devenir chevaliers. Et nous sommes là. Okay. Et vous êtes aux quatre chevaliers. Et éventuellement, Lorenzo, joué par Volsung, a eu son armure récemment, parce que c'est le cadet, c'est le plus jeune. Mais pour les autres, le Benjamin, ouais. Le cadet, c'est si vous étiez de la même famille, c'est idiot. Le Benjamin, et du coup, les autres, voilà, ça fait plus de temps, Arduna joué par Romain et Atalante joué par Kaffer, vous, ça fait depuis longtemps que vous êtes chevalier de bronze d'Athéna, et vous avez déjà sans doute fait plusieurs missions avec succès. Wow. C'est beaucoup de missions de surveillance, pas un peu de pacification pacification de chevaliers renégats aussi, parce que même si ça fait depuis très longtemps qu'il n'y a plus de guerre sainte, il y a toujours des chevaliers noirs, il y a toujours des chevaliers renégats ou des chevaliers qui tout simplement utilisent leur cosmos et leurs armures pour leur profit personnel et qui brisent ainsi l'une des lois du sanctuaire. Donc voilà, vous avez fait quelques missions de cet ordre-là. Pas de voilà, ça fait depuis très longtemps que tout le monde est en paix. Il n'y a plus que quelques vieux chevaliers ou serviteurs du sanctuaire qui se rappellent ce que c'est qu'une guerre. Et notre histoire commence en France, dans les Ardennes plus précisément, dans une forêt. Arduna, chevalier d'Athéna du Sanglier, qui ouvre la marche. Elle est suivie par trois autres chevaliers et vous êtes en train de vous frayer un chemin dans la forêt. Je te laisse te décrire ton personnage, Romain, pour ceux qui n'auraient pas la couleur. C'est une chevaleresse plutôt imposante, hein. Elle fait plus d'un mètre 90. Elle a vraiment un gabarit assez puissant. Son armure également est assez massive. Donc elle est, voilà, elle est rousse, elle a les cheveux assez courts et c'est plutôt une joyeuse camarade. Hein. Elle est surtout là, si elle se trouve dans son propre territoire, elle est plutôt de bonne humeur et enthousiaste. Donc c'est pour ça, j'imagine que j'ouvre la marche pour guider mes compagnons à travers cette forêt que je connais normalement relativement bien, à moins d'une surprise qui nous tomberait dessus. C'est ça, en fait, le réseau Ulin a noté plusieurs dégradations de lieux spirituels, de lieux appartenant à des divinités. Et grâce à des algorithmes, ils essaient de prédire un peu le futur, entre guillemets. Ils ont prévu que le prochain lieu qui serait dégradé, qui serait attaqué, ce serait celui-là. Donc voilà, connaissant ton affinité avec la déesse Arduna et ta très grande connaissance de la région, on t'a nommé chef d'une petite équipe de chevaliers de bronze pour aller vérifier ce qu'il en est, est-ce que ça a été dégradé, comment, voilà. Et du coup, juste après toi, il y a qui? Juste après qui te suit tout près. Tiens, la torche. Qui ça? Il fait jour, pas besoin de torche. Il fait relativement sombre parce que c'est vraiment une forêt très dense, mais pas besoin de torche pour l'instant. C'est la blague de donjon. Le porteur de torche. On Oui. joue pas à donjon, nous. Pardon. Voyons, hein. Respecte-nous. Petite question avant de dire si je suis. Quand tu dis Ouais. dégradation des lieux saints, tu parles de quoi en fait? C'est parce que énergie négative ou dégradation matérielle? Qu'est-ce que tu appelles dégradation des lieux saints? Y a eu des destructions et certains envoyés de la Fondation, qui sont sensibles au cosmos, ont remarqué que les lieux n'étaient plus les mêmes. Ils étaient changés. La plupart des lieux qui ont appartenu ou qui ont permis de vénérer une divinité sont chargés d'un cosmos qui est souvent propre à la divinité en question. Au sanctuaire, même encore aujourd'hui, alors qu'elle n'est plus là, on va ressentir très fort le cosmos d'Athéna, on va ressentir son amour, on va ressentir sa bienveillance. Dans n'importe quel temple, n'importe quel sanctuaire, n'importe quel lieu sacré, il y a cette présence de ce cosmos qui va être très propre à la divinité qui est vénérée là. Et en plus de dégradation matérielle, c'est pas systématique, mais dans plusieurs lieux qui ont été dégradés où il y a eu des destructions matérielles, les émissaires de la Fondation ont pu remarquer que le cosmos avait été changé, avait été dénaturé, avait été enlevé ou changé ou corrompu ou perverti. Le problème, c'est que la plupart des membres de la Fondation, que ce soit leurs espions, leurs envoyés, leurs émissaires, tous ces gens-là, très peu sont sensibles au cosmos et du coup, à part un bref ressentiment et quelque chose qui les dérange ou quelque chose qui fait qu'ils se disent il y a quelque chose qui s'est passé, ils peuvent pas en dire plus. Donc c'est pour ça que vous avez été entraîné. D'accord. Vous savez ce que c'est le cosmos. Vous pourrez très rapidement soit empêcher qui que ce soit ou quoi que ce soit de dégrader le lieu, soit que vous arrivez trop tard, entre guillemets, pour pouvoir enquêter sur ce qui a changé le lieu et puis pouvoir y remédier. C'est sans doute porté volontaire d'ailleurs à Talente. Toi Oui. qui, toi qui. Oui. Eh bien, en parlant d'Atalante, à quoi elle ressemble? À quoi tu ressembles à Talente? C'est une excellente question. Alors, tu ressembles à quoi? C'est vrai, ça, Atalante, dis-moi. Atalante est le chevalier de bronze de la grue. Elle porte régulièrement son armure sur elle, parce qu'elle est quand même. C'est une armure assez. Je dirais pas discrète, il faut quand même pas abuser, mais c'est une armure qui est moins développé sur le corps que peut-être certains d'autres d'entre vous. L'armure de la grue, généralement, est également portée avec tout un réseau de bandelettes autour du corps, qui peut donner d'ailleurs une technique assez impressionnante en utilisant les bandelettes et les coupiers, qui est un peu la marque de fabrique de la grue. Atalante, ce qui va marquer surtout au premier regard, sans mauvais jeu de mots, c'est qu'effectivement, elle a un bandeau sur les yeux pour signifier sa cécité de naissance, un long bandeau violet qu'elle va porter en continu. On ne sait pas trop si c'est pour pas gêner les autres, pas se gêner elle, ou pour d'autres raisons liées à une culture ou à développer son cosmos. Mais effectivement, elle porte toujours, toujours, toujours le bandeau autour des yeux. Comme tu le disais, on est dans une version plus évoluée du monde. On ne porte pas forcément le masque pour les femmes. Tu disais, Erwick, dans cet univers-là. Ça peut lui arriver de le porter encore, mais C'est plus ça, par tradition. c'est plus obligatoire. Voilà. Elle peut le porter par tradition, notamment dans les missions où elle va aller combattre d'autres chevaliers, un petit peu. Mais elle ne porte pas systématiquement son masque, également. Et elle est très grande, si tu peux marquer également. Elle est très grande. Arrêtez, j'ai un torticolis, arrêtez. Ah, avec, avec les talons de la grue. C'est ça. Et à côté, il y a Lorenzo et Yulena qui sont un peu plus petits. Ils ressemblent à quoi d'ailleurs, Lorenzo? Qui est Lorenzo? Plus jeune même d'ailleurs. Yulena, tu veux dire? Tu veux que je me présente? Ouais, carrément, tu t'y colles. Ok, je prends le bâton de parole. Moi, je vais être plutôt derrière notre leaduse, prête à essayer de comprendre ce qui se passe. Yulena, c'est quelqu'un qui est, ça se voit dans son regard, elle est décidée. C'est pas forcément qu'elle est froide ou qu'elle est dure. C'est le chevalier de bronze, alors n'ayez pas peur du nom, ouais. Polophila. Non, faut le dire, Lex. Et donc, son armure est plutôt élancée. C'est pas quelque chose de massif qu'on pourrait avoir avec le sanglier, c'est vraiment des parcelles, et ça fait penser un petit peu à ce qu'on peut imaginer avec un flocon. C'est au niveau des embranchements, de comment elle s'agence. Au niveau des couleurs, elle est dans les tons froids, du bleu et un petit peu du vert aussi, si je me fie un petit peu à l'image. J'ai des talons pour compenser ma petite taille, car je ne suis pas la plus grande du groupe, mais voilà, je voudrais quand même compenser ce déficit en hauteur, mais pas en puissance, je tiens à le préciser. Et vous connaîtrez aussi le fait que j'ai un petit frère, dont je vous en ai un petit peu parlé sur le trajet, je suis toujours un petit peu inquiète pour lui, qui s'appelle... Il s'appelle Balder, il a 2 ans de moins que toi, effectivement, t'es inquiète parce que lui, il est dans le royaume d'Asgard, d'où tu es... Où sont tes origines, et effectivement, tu sais qu'il doit passer les entraînements pour essayer de devenir chevalier divin, et tu sais que c'est encore plus compliqué que de devenir chevalier d'Athéna, et il a toujours été... Doucement, hein. Ici, arrêtez de... Voilà, avec votre... Il y a 88 chevaliers d'Athéna, il n'y a que 7 guerriers divins. C'est les places... Un repost, hein, eux. Nous, on a le monde entier. et puis surtout Balder, il a été nommé comme ça d'après le grand héros de la légende, mais c'est quelqu'un de très gentil, de très doux, et t'es pas totalement convaincu qu'il est ce qu'il faut pour devenir un héritier divin, mais ça, tu lui as quand même donné ta bénédiction avant de partir, et puis voilà, t'es un petit peu inquiète, mais je lui dis fais mieux que d'habitude. Je ne sais pas si ce nom lui portera chance, parce qu'il me semble que le propre de Balder, c'est de mourir, non, dans la légende. Ah, oui, mais de manière héroïque. Ouais. Bon, dans les légendes, il est un peu nul. C'est ça. S'il est un peu nul, il peut survivre longtemps, en fait. C'est au moment où il serait héroïque. C'est vrai que c'est le propre de la mythologie nordique, c'est qu'ils meurent tous, en fait. Ouais, mais Balder, si ça se trouve, c'est le seul à mourir avant le Ragnarok, en fait. Je sais plus. Enfin, bref. Oui, bah, c'est sa mort qui se déclenche. C'est ça. Je te demande, hein, c'est quoi Polophylax comme armure et comme capacité. C'est en rapport avec. Le gardien du pôle Nord, donc ça va être des pouvoirs autour du froid. Si je me trompe pas, j'ai un mur de glace qui peut stopper les attaques, et je peux utiliser des anneaux de glace pour immobiliser mes adversaires. C'est ça. Et je colle au basque de notre leaduse. Parfait, parfait. Est-ce que c'est encore loin? T'es bientôt arrivé. T'es sûr que c'était au troisième arbre à gauche? J'ai passé mon enfance dans ces forêts, je les connais comme ma poche. Donc, je te fais confiance. Severum Rome, c'est un vieux sanctuaire gaulois. Il ne reste plus que quelques pierres, un vague autel, des pierres dressées. Mais on y ressent fortement la présence de la déesse et de la nature. Donc si rien n'a été profané, on devrait normalement trouver ce lieu tel que je l'ai quitté il y a plusieurs années. Très bien, attendons-nous. Et ensuite, regarde derrière moi si tout le monde suit. Tout le monde ferme la marche. Et qui dénote dans cette cohorte toute vêtue d'acier. Donc, le jeune Lorenzo qui porte sur ce paysage son regard clair et innocent de Benjamin de l'équipe, qui donc, comme tu me l'as dit, peut-être en off, vient de gagner son armure. Et du coup, naturellement, comme je ne peux pas empêcher de rien faire comme les autres, pour l'instant, je ne la porte pas. Je n'ose elle pas. Elle est dans un poids de rabot, elle est sur tes épaules. C'est ça. Et du coup, ce qui trahit mon origine, c'est que j'ai des vêtements excessivement modernes. Le fameux t-shirt et le jean, là, hein, avec une coupe unique qu'ils ont dans ce genre de série. Et on remarque ma nature de saint d'Athéna, à cette chevelure magistrale que nous leur envions. Donc il a une sorte de cascade de cheveux bleus soigneusement hirsutes là où il faut. Et le visage un peu en pointe, ses grands yeux sombres qui lancent un regard un peu émerveillé sur chaque chose. Essayez de chercher les champignons. Mettez votre armure, on a une quête. Pardon ? Je vous vois flâner, vous regardez les fleurs et les champignons, mais on est en quête, c'est important. C'est votre première mission ? On ne peut rien vous cacher. Mettez votre armure, Renzo, c'est important. Mais vous pensez que nous devrons avoir à nous battre ? Renzo, pourquoi on nous envoie ? Pour cueillir des champignons ? On nous envoie, décidément, vous êtes très porté sur ce genre de... Enfin bref. C'est notre sensibilité qui va être de mise. Nous sommes là pour attester si cet hôtel, ce temple-là, si l'aura d'Athéna est bel et bien déserté ce lieu. Le brief de la mission, je suis fier de vous. Je claque de la langue puisque c'est pas Athéna, normalement qu'on vérifie. Je vais claquer. Si j'ai bien compris. Non, ici on est sur le territoire d'Arduina. Est-ce des bois et de la chasse? Voilà. Ah, oui, mais le lieu sur lequel on se rend est censé posséder jusqu'ici l'aura d'Athéna, non? Ou j'ai raté? Celle d'Arduina, mais tout elles sont pas, alliées. Pas tout à fait. C'est effectivement une autre déesse, mais pour l'instant, les... Tous les deux, ok. D'accord. Donc effectivement, on est en train de trespassing sur des zones d'un autre ordre, en fait. Mais avec la bénédiction d'un membre de cet ordre. Le sanctuaire en question n'est plus comment dire, n'est plus habité. Ça fait depuis. D'accord. C'était un et c'est devenu bref. Ça a été fédéré par Athéna, quoi. Mais il fut un temps où ça appartenait à un autre ordre de chevalerie, c'est ça? Ça appartenait à un autre ordre de chevalerie et la Arduina y était vénérée. C'était la déesse de la chasse, du bois et tout ça. Et du coup. Ce qui inquiète la Fondation Grade et donc le sanctuaire, c'est que si des lieux sacrés sont profanés et corrompus, quelles que soient les déesses qui y vivent, on n'est pas à l'abri qu'un jour ce soit des lieux d'Athéna qui soient profanés. Surtout que si quelque chose est capable de corrompre le cosmos même d'un dieu, c'est très inquiétant. D'accord. D'ici d'où on est, ça devrait se sentir. Pour l'instant, vous n'avez rien ressenti. On est encore loin ou pas de... Non, vous arrivez là. Dans ce cas, le jeune Lorenzo bel et bien né de la dernière pluie, lui, réalise toute l'ampleur de la mission et comme quoi on est en train de s'aventurer dans un territoire qui n'est pas censé être le nôtre. Donc effectivement. Mais d'arriver effectivement dans nous venons avec des intentions pacifiques. Aussi, je pense que nous aventurer armés enverraient le mauvais signal. Que ceux qui profanent ces sanctuaires ne soient pas peu animés d'intentions pacifiques. Mais qu'en est-il de l'ordre qui était présent jusqu'ici? Tout ceci est très nouveau Arduina pour moi. A quitté notre monde il y a de cela plusieurs millénaires. Il ne reste plus aucune trace de ceux qui protégeaient ces lieux avant. Je pense être la seule héritière de cette charge. J'ignorais. La raison pour laquelle je suis devenu chevaleresse d'Athéna. Et maintenant je me tais, parce que je parle trop. On ne parle jamais trop. J'écarte. Et vous arrivez dans une petite clairière avec effectivement quelques pierres, un hôtel et une pierre plus grande, une sorte de menhir, de promontoire juste devant l'hôtel et qui semble être craquelé en deux comme si la foudre l'avait tapé. Oh, je suis choqué. Est-ce que ma dernière visite, il était déjà comme ça ou... Non. Ah, alors plutôt affolé. Les yeux écarquillés, je me rue vers cette pierre et je pose la main dessus, quoi. J'essaye de voir ce qui a bien pu se passer. Et de contourner, voir si je vois des traces de combat ou de choses comme ça autour de la pierre. Je regarde avec toi. Vous disiez vrai. Qui a pu commettre une telle infamie? Nous devons déterminer à présent. Yuliana, tu vois pas de traces de combat. Par contre, comme c'est un lieu qui est plus visité depuis longtemps, la végétation a un peu repris ses droits. Il y a pas mal de mousses, de lianes, et à plusieurs endroits, cette mousse, elle est fanée. Enfin, elle est fanée, elle est comme. Elle est noircie, un peu Ouais, elle est sale. noire, un peu noircie, un peu brûlée. Brûlée même, Calciné, il y a des traces de brûlure calcinée. Certaines racines sont craquées. c'est passé quelque chose. Et je vous montre ce que j'ai découvert. La végétation elle-même, donc, a été corrompue. C'est ça. Sauf Du qu'il coup, a été brûlé. ouais, c'est ça. Il y a des traces de brûlure sur de la mousse. Certaines lianes qu'ont craquées. Arduna, tu peux me faire un jet de ACM, Art Tribut Charnel Mental, et puis Cosmos? Un jet d'insight. Oui, mais c'est pas pour toi. Ouais, mais. Un jet de perception de cosmos. Ça va. C'est pas de la perception C'est pure, quoi. exactement ça. Rien ne l'excusera jamais. Tout ça, c'est leur faute. Un test de Ouh, c'est sensation de plutôt cosmos? pas mal. Alors, ça fait 3 succès avant que j'ai fait ma première relance. Comment fait un succès à ce jeu, dites-moi, monsieur Erwick. J'allais le dire. 5, c'en est 1, 6, c'en est 2. On lance autant de dés que l'attribut demandé. Là, c'est bon sens. Plus cosmos, ça fait 2 plus 3, 5. On lance autant de dés. Chaque 5, c'est un succès. Chaque 6, c'est 2 succès. Et on peut éventuellement gratuitement utiliser un attribut cosmique pour relancer tous les dés qui sont en dessous de 3. De 2. Parce qu'un attribut cosmique en face de bon sens, il y a instinct, il a 2. Mais là, c'est pas nécessaire. De toute On façon, il a peut fait. utiliser n'importe quel attribut cosmique en fait. Hein. Ouais, on peut utiliser n'importe quel attribut Quand on cosmique justifie par un tant que tu justifies. Par exemple, là, il aurait pu petit. dire l'acharnement parce que je m'acharne, je regarde plusieurs fois. Il aurait pu dire l'instinct parce qu'il a un bon instinct, la Mais ténacité, ça ça coûte peut du quand même cosmos être. de le faire. Non, la première À la fois, c'est gratuit. première. Ensuite. La La première première fois, fois. c'est gratuit. Et Ok, après, c'est un peu cosmos la première fois de pour chat G, lancer. la première fois par partie. La première fois de Par G, chat G. par G. Oh, oula, c'est fort. Oui. Ça représente le fait qu'on maîtrise le cosmos, quoi, en fait. Ouais, malheureusement, j'ai fait que des 4, sinon, en fait, j'aurais préféré faire en dessous. Ah bah J'aurais bien oui. utilisé ma foi, mais du coup, non, bah tant pis, je vais me contenter de ces 3 succès. C'est largement suffisant puisque vous ressentez tous un cosmos agressif de manière assez légère, Ouais. qui est très proche de vous. Toi, Arduna, ce que tu ressens en plus, c'est que le cosmos d'Arduna, le cosmos, on va dire, merde. J'arrive pas à trouver le mot. Résilient. La réminiscence du cosmos d'Arduna est en train de baisser. Ouais. Très légèrement, mais il baisse continuellement. Tu es appuyé sur la pierre, tu te concentres et tu le sens encore. Mais plutôt que d'être corrompu, il diminue petit à petit, mais tu sens que il diminue d'ici quelques heures et il n'y aura plus rien. Non. Est-ce qu'il diminue, je sens qu'il est absorbé, ou est-ce qu'il se contente de disparaître? Ou c'est j'ai pas fait assez de succès pour déterminer ce genre de choses. T'as l'impression qu'il part, il est absorbé ou qu'il s'en va ailleurs, mais tu ne le sens pas disparaître nettement, tu sens plutôt qu'il s'éloigne de la pierre ou s'éloigne du lieu ou s'éloigne de l'endroit où il s'éloigne. Tu sens vraiment que ce cosmos s'éloigne. Du coup, je me tourne Lorenzo? vers Lorenzo. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Justement, je lui demande, toi qui t'y connais en outils et créativité cosmique, ce que je ressens ici me fait penser que peut-être un artefact est à l'œuvre et absorbe le cosmos de la déesse Arduina. Pourrais-tu examiner cette pierre ou les alentours ou voir ce que tu pourrais découvrir? Je ferai de mon mieux. Je Un jet de ressens. perception. Oh, putain, tu me jettes sous le train. T'as pas senti arriver le Je piège? l'ai Le pas vu TGV, les arriver. Ardennes qui J'ai passent. cru qu'il me tendait une perche de roleplay, mais non, quelle cruauté. Non, non, non, non, non, le roleplay ça marche très bien aussi. On T'attendais verra un après si piège on de doit roleplay. faire un jeu ou Que pas. faites-vous, Arduina? Vous me demandez de livrer mon essence même pour un succès trivial? Je pense pas que ce soit trivial, puisque c'est ainsi que nous pouvons déterminer peut-être l'identité ou en tout cas la destination vers laquelle se dirigent Mais dans ce cas, ces si cette hommes. information est cruciale, nous ne pouvons pas nous en remettre à un jet de dés. Elle doit nous être livrée pieds et pains loués. On n'est pas en train de débattre de ça. Ok. Là, il commence à faire les 100 pas et tu sens vraiment qu'il est excessivement mal à l'aise, totalement hors de son élément. Parce que c'est bien joué la pratique. Enfin, pardon, la théorie, mais à un moment, il faut la mettre en pratique. Et peut-être qu'à ce moment-là, il fait tomber, malgré lui, un carnet à dessin, parce que je viens de me rappeler que ce prétiré dont je viens de faire la connaissance en même temps que vous est aussi un artiste. Et à ce moment-là, je lance un dé, on va dire, de 1 à 2, c'est la grue. De 3 à 4, c'est feu, c'est Polophylax à mes souhaits. Et de 5 à 6, c'est le sanglier. Je fais un 2, et donc, Atalante ne pourra pas découvrir avec stupeur, car elle ne peut pas. Non, je ne vois pas, je te rappelle. Donc qu'à un moment, peut-être, lors de l'expédition, Lorenzo a fait mine de croquer son portrait. Mmh, ok. Par contre, j'ai mes sens évidemment surdéveloppés, puisque j'ai perdu la vue. Donc, forcément, j'ai pu entendre ton crayon dessiner quelque chose. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais je ne sais pas ce que c'est, effectivement. Je fais disparaître prestement mes notes et je commence à arpenter un peu les lieux à la merci de ce jet d'insight que je ne saurais éviter. Pas forcément besoin de jet d'insight, j'allais le dire à Juliana aussi, mais si vous fouillez rapidement, vous voyez que sous l'hôtel, il y a une espèce de... Puis Arduna le savait de toute façon, mais il y a une espèce de plaque qui se décale et il y a des escaliers qui emmènent vers le souterrain où il y avait tout un tas de galeries et de différents lieux de culte. Il y a donc des escaliers. Il y a des escaliers qui descendent vers... Oui. Est-ce là, est-ce là le dernier lieu de culte de la déesse, Arduna? Le dernier qui reste? D'après ce que je sais, il s'agit ici en fait de souterrains utilisés par... les tribus gauloises qui vivaient jadis dans les Ardennes et qui se battaient contre les légions romaines et utilisaient ces tunnels pour se déplacer, attaquer par surprise et parfois se réfugier quand l'ennemi était trop fort. Mais effectivement, on y trouve de nombreux petits hôtels, puisque cette forêt étant le domaine d'Arduina, ils priaient pour la victoire et pour être guidés de façon sûre dans le dédale de cette forêt. Peut-être y trouverons-nous des indices. Très bien, allons-y. Pressons, c'est un sentiment absolument effroyable. Tout comme pour confirmer les dires d'Arduina, alors que vous descendez, vous sentez le cosmos agressif, pas forcément hostile, mais agressif, plein de colère et de rage, qui semble de moins en moins léger au fur et à mesure que vous descendez dans les entrailles de la Terre. Mmh. Là, par contre, ce serait pas mal d'avoir une torche. J'allais demander. Oui, non, C'est bon, nos cosmos, c'est clair. Oui, une noudide. Notre foi pour Athéna noudide, mes amis. Compagnon, j'ai amené une perche de 9 mètres. Elle nous sera sans doute utile. Est-ce que je peux utiliser les toiles du pôle nord pour nous éclairer? Est-ce qu'elle est toujours visible? Ah. Sur ton armure, est-ce que tu as les toiles? Oui. Ah, pourquoi pas? Tiens, tu illumines suffisamment... À la pointe de mon torse. À point de ton torse, il y a une illumination qui fait que tu illumines et tu vois, vous arrivez dans un long couloir. Enfin, c'est toujours des tunnels, donc c'est une galerie, c'est pas un couloir net avec des trucs machin. Mais voilà, vous arrivez dans une première galerie, il y a plusieurs trous plus loin qui se séparent, qu'une espèce de, un peu comme un labyrinthe, et vous voyez plusieurs hommes qui ont l'air pétrifiés dans des poses un petit peu random de je m'enfuis, j'ai peur. Oh là là. Des statues ou des vraies personnes? On sent un peu le cosmos qui reste. Vous ne tentez pas le cosmos, mais c'est un petit peu trop dynamique pour être des statues. Ah ouais. Alors l'artiste est du niveau de Lorenzo. Quoi. Et un petit peu trop réaliste aussi. Les drapés du tissu. Enfin, ouais, c'est de ce que Arduna connaît de l'art gaulois, c'est pas un peu trop beau pour être. Quelle est l'expression de leur visage? Est-ce qu'ils sont effrayés, apeurés, surpris? Et ils sont beaucoup effrayés. La plupart sont en position de fuite. Ils sont figés en faisant dos au couloir. Oh là là. Ça... Aucun artiste humain n'aurait façonné de telles sculptures. Ce sont là des captifs, figés dans un cauchemar perpétuel. Je pose la main sur Juliana et je lui demande de me décrire. Du coup. Il y a des statues de personnes qui sont figées alors qu'elles tentent de s'enfuir de quelque chose. Eh ben. Je vais essayer d'en toucher une, voir un peu si c'est pas dangereux, et après je t'amènerai la main dessus pour que tu puisses voir. Je me dis que peut-être avec ton sens du toucher, tu sauras plus nous en dire que nous avec nos yeux. Sentez tous et toutes une sorte de présence dans la pièce. Toujours. Hein. Mais pas une présence hostile. Rien à voir avec le cosmos de tout à l'heure qui est bien plus loin. Mais là, c'est une présence plus presque réconfortante. Et il y a quelque chose. Quelqu'un est encore en vie qui se manifeste. Pas de réponse. Quelque Il ne sera pas chose. dit. Du coup, Ardula, c'est le nom de ton personnage aussi, Romain? Parce que c'est le nom de la déesse, mais c'est Oui, aussi ton personnage? en honneur de la déesse. Ok, ça marche. D'accord. On t'appelle Ardula, nous, nos potes. L'autre Hein. On s'appelle t'appelle pas Amélie. Aphrodite. Ok, ça marche. Ok. Du coup, Ardula, tu saurais reconnaître le cosmos de ta déesse. Est-ce celui-là que tu sens? Est-ce celui-là que je sens? Est-ce que c'est Ça y celui-là? ressemble. Ça y ressemble, ouais. J'ai un Pas peu tourné la celui-là, mais pièce, moi. Ça y ressemble. ça y ressemble. Et Je fais... avant que tu fasses le tour de la pièce, Atalante, quant à toi, tu sens assez distinctement la présence d'un gros animal pas très loin de vous. Il y a une bête ici. Un gros animal, c'est plus la taille d'un sanglier que d'un ours, quoi. Bah, il y a une bête, quoi, ça marche. Ouais, Il y a une bête une ici. bête. Bonne taille aussi. Est-ce que je ressens de la peur, de l'agressivité peut-être? De la peur et de la colère, mais qui n'est pas dirigée contre vous. Et Elle a peur et... tu l'entends respirer, haleter, et elle doit être blessée. Elle est furieuse, elle a dû affronter quelque chose. Soyez prudent si vous ne voulez pas qu'elle vous prenne pour des agresseurs. Arduna, du coup, tu disais que tu faisais le tour du modeste couloir dans lequel vous êtes pour l'instant, c'est ça? Oui, alors je sais pas Recherche si du quoi? coup on était dans une partie un peu plus large, s'il y a plusieurs corps figés, mais bah, Il y a au début j'essayais de voir. plusieurs corps figés, mais ouais, vous pouvez être à trois de front, quoi. Grand D'accord, c'est maximum. un gros coup. Non, je Ouais, voulais c'est. voir si Cosmos venait en fait de, tu vois, genre d'une figurine, d'une statuette, tu vois, dans un remblai sur Non, t'as pas trouvé de les... statuettes, ou en tout cas, t'as certaines petites sculptures machin qui sont figées dans des renfoncements de la pierre, mais c'est pas de là que vient le cosmos. Ouais, donc Le c'est la cosmos, bestiaire, j'imagine. ouais. Si Atalante vous a parlé, il y a un animal qui a priori est invisible, non loin de vous, et c'est de lui que viendrait ce cosmos. Ah, il est invisible, carrément. Ah oui, Atalante, il est invisible. en tout cas, personne ne le voit, et toi Ouais. tu l'entends respirer. Avec l'ombre, Atalante, il ce serait sourit. bien de voir quel genre d'animal c'est, parce qu'on pourrait voir ce qu'il a combattu. Ça pourrait nous donner des indices. Moi, je vais essayer en tout cas de m'approcher de lui pour. Je te donne une direction avec la main. Oui, bah pour. Enfin, je connais quand même bien la faune du coin. Je sais comment sont ces animaux, surtout quand ils sont blessés. Donc j'y vais avec prudence. En déployant mon cosmos de façon plutôt chaleureuse, en comptant sur la constellation qui me protège pour le rassurer, établir peut-être pas une communication, mais en tout cas un lien de confiance. Tu t'approches, tu... Oui, vas-y, Et moi, de pardon, mon côté, en fait, Elina. je suis plus dans l'attente qui se montre pour l'emprisonner dans la glace. Oh, d'accord. Ouais, je suis prête à l'immobiliser. Je me dis, s'il est blessé, vraiment, on pourrait peut-être essayer de le soigner malgré sa Bah, rage. quand Arduna s'approche dans la direction que lui a montré Atalante, la bête, un espèce de sanglier énorme, énorme, apparaît, puis quasiment dans la même foulée s'effondre. Il n'est pas mort, sa respiration plus haletante, il a plusieurs trous dans le corps, il saigne abondamment, et à partir du moment où il réapparaît, vous voyez plusieurs taches de sang ici et là apparaître aussi dans le couloir, et il halète et s'approche d'Arduna, et après je sais pas. Moi, je vais essayer de le figer parce que c'est pas parce qu'il est blessé qu'il va pas être agressif. Donc, je vais essayer de lui bloquer les pattes dans la Ok, glace. donc c'est le freezing jail. Ça coûte Oui. un point de cosmos. Oui. D'ailleurs, je vais faire un truc. Hop. Ah, merci. Donc là, je passe à 5. Ouais, faut passer à 5. Ne faites pas ça, Est-ce que toi? Yuliana. Cet animal n'est pas notre ennemi. Il est plus mort que vif. T'inquiétez pas, je vais juste l'emprisonner. Je veux ne pas le blesser. Soit pourquoi j'arrive pas à le modifier, peu importe. C'est ton attribut charnel actif, autorité, Autorité, j'ai plus 3. ouais plus corps à corps, parce que c'est quand même un peu de la bagarre. Donc ça fait 5. Et ça Donc te j'en 5 dés. Ouais. Donc je vais lancer 5 dés. Je vais lancer les dés du sanglier. Moi je passe en purple et je vais en lancer 5. Et donc je fais glisser le D6 sur le... Alors c'est quoi qui compte? C'est le 5 et le 6? Le 5 ça fait un succès, le 6 ça fait 2 succès. Et si j'utilise un point de cosmos, je pourrais relancer les deux. Alors t'as pas besoin en première relance. Les trois. Tu peux décider de faire une relance de quelque chose qui, enfin, des résultats qui sont inférieurs à l'attribut cosmique de ton choix en expliquant pourquoi tu utilises celui-là. Moi je veux vraiment pas le blesser. Donc tu peux utiliser adresse dans ce cas-là. D'accord. Ouais, tu peux utiliser adresse et tu peux relancer tu peux relancer les deux deux. Okay. Et ça fait 1 et 6. Ok, c'est suffisant. Ah oui, 5 succès, oui. C'est pour pas le blesser. Pas mal. Ah, il va pas bouger là. 5 succès contre 3 succès, ouais, non, il bouge pas, et mieux que ça, comment dire, le froid a tendance à anesthésier, la douleur, et du coup, Arduna, le sanglier te parle, enfin te parle, t'entends sa voix dans ta tête. Il t'explique que c'est un serviteur d'Arduna et que même si le lieu n'est plus fréquenté, il était là pour le protéger. Il a pu filer des pillards qui venaient voler des œuvres d'art, de l'or, mais des ennemis bien plus puissants sont arrivés. Il n'a rien pu faire. Ils en veulent à la relique qui se trouve. Il t'indique. Dans quelle galerie se retrouve cette relique? Il faut absolument les arrêter. Est-ce que je vois un peu l'image de ces ennemis? Ils ont des armures rouge sang. Oh. Et ils se déplacent plus vite que tous les chevaliers qu'il a pu voir. Oh là là. Lorenzo, mon cher, je pense que tu devrais ouvrir ta close box. Il ne sera pas dit que le chevalier du Burin sera pris par surprise pour sa première mission. Mmh. Et donc, je me sens en armure. Ouais. Rouge sang, ça évoque quelque chose pour nous? Pourquoi pas, oui, vous pouvez faire du mental actif avec un talent éventuellement qui irait bien, comme mythologie ou. Grec. Il est très tradit, ce jeu. Ou même grec. Donc allez, même grec. C'est avec sagesse? Avec mental, ouais. Attribut mental. Ouais, c'est ton mental actif, donc toi, c'est... Sagesse. Toi, c'est la sagesse, effectivement. Ok. je crois qu'on peut faire des trucs à plusieurs. Oui, si vous voulez faire des trucs à plusieurs, il n'y en a qu'un seul qui lance le dé, et les autres qui utilisent les autres, ils peuvent expliquer comment un talent est utile, ils donnent un dé en plus. Et éventuellement, ils peuvent utiliser leur propre attribut cosmique pour faire des relances pour celui qui a lancé le dé. Pas si je suis assez clair. Si on va choisir un leader pour le jet de dé et on peut le soutenir. Ouais, je pense. Moi, je vous conseille pour moi. Je moi aussi. Je suis pas forcément la plus intelligente du lot. Ok. Ah, puis, non, vous savez quoi, on va même pas faire. Vous savez quoi, on va même pas faire de jet parce que c'est pas non plus. C'est pas non plus l'information cap. Non, mais après avoir réfléchi 2 secondes. Vous êtes des chevaliers d'Athéna, vous connaissez quand même ses principaux ennemis du passé, c'est Rouge sang, c'est les berserkers, c'est les chevaliers d'Arès. De la guerre et de la violence et de la barbarie. Tout ce que Athéna. Un gars très sympa. Parce que tout ce qu'Athéna est pas, parce qu'Athéna est quand même la déesse de la guerre. Mais... Oui, pardon, de la gentillesse, de l'amour et de la sagesse. Oui. Et de la guerre. La réponse violente si jamais tu l'emmerdes. Ok, Moi, je vais libérer le gardien. Mais tout doucement, tu vois, qu'il sent, qu'il... pour pas lui faire mal. Je vais pas briser la glace comme ça violemment. Je vais laisser la glace s'estomper petit à petit pour le libérer. Et si je peux laisser un petit peu de froid sur ses plaies pour le soulager, je le ferai. Et Atalante, ne sais-tu pas soigner les blessures? Peut-être pourrais-tu t'occuper de ce gardien. Je le puis, en effet. Si jamais nous affrontons cependant une hostilité telle que les chevaliers d'Arès, nous aurons peut-être besoin de toute notre puissance. Mais si là est ton souhait, je le ferai. Est-ce que le gardien pourrait nous aider dans cette quête? Vous sentez. C'est déjà bien indiqué où de vous sentez, nous voir. Ouais, vous sentez le cosmos bienveillant du gardien qui s'estompe petit à petit. Et... Ah oui. C'est assez étrange et triste à la fois, mais vous avez l'impression que le sanglier sourit. Il est tout d'un coup super humain. Il a l'air heureux. Vous sentez de la bienveillance, vous sentez de l'amour. Et vous entendez dans vos têtes ne vous inquiétez pas. Mon temps ici est révolu. Je suis un esprit de la forêt. Je ne peux pas véritablement mourir. Je serai toujours par ici. Prenez soin de ce sanctuaire. Prenez soin de tous les sanctuaires. Prenez soin de tous les êtres vivants. Je vous bénis, chevalier. Et il disparaît dans une espèce d'éclair de petits points lumineux. Et certains de ces petits points lumineux partent en direction, remontent les escaliers pour repartir dans la forêt et rejoindre le cycle de la vie. Et certains viennent sur vous et viennent avec vous. Et vous sentez bien. J'ai une petite larme à l'œil. Elle pleure, ouais. Ouais, j'ai une petite larme à l'œil, je ne sais pas la montrer. Je fais semblant que c'est ma mèche, je me cache un peu. Ouais. Je pense que. Ouais, c'est quand même plus de la colère. Je vais venger ce digne serviteur d'Arduina. Allons-y. On ne sait pas combien ils sont, mais préparons-nous. En mode, vous courez tous vers la fameuse. Complètement. On descend les escaliers si on. On rase le sol, les bras en arrière. Vous courez et tout avec la petite musique qui va bien, plusieurs embranchements, machin, d'autres escaliers. Vous arrêtez avant d'arriver à destination parce que c'est Atalante qui trébuche sur un corps. Oh. Atalante, qu'est-ce que c'est ? Ah, pardon. C'est un homme avec un costume. Ah, bien vu la blague. avec un costume plutôt classe mais usé. Quelqu'un qui, voilà, c'est pas un costume de première main, mais plutôt seconde main. Une grande barbe blanche, des cheveux mi-courts blancs, d'un certain âge, le visage ridé. Il a lui aussi des trouées du sang, mais uniquement dans l'épaule. Il est blessé également. Et alors que tu te distribues sur lui, tu te relèves, il t'attrape par le bras. N'y allez pas, c'est des monstres, ils vont tout détruire. C'est justement pour ça que nous sommes là. Nous sommes les chevaliers d'Athéna. Nous ne laisserons pas... Chevaliers d'Athéna, comme dans la légende. Oui. Qui êtes-vous ? Vous pouvez déchirer le ciel avec vos poings et le sol avec vos fendre pieds. La terre. Fendre la terre. Et nous pouvons réparer les cœurs avec la foi de notre déesse. Quel est ton nom, vieil homme ? C'est le professeur Maximilien Olshad. T'es pas prête. Il est partout. Un archéologue de renom qui venait justement dans le sanctuaire faire quelques fouilles et prendre des notes sur la divinité païenne Arduina. Et... Est-ce que ces jours sont en danger ? De quoi ? Il va mourir. Pardon. Est-ce qu'il va mourir ? Voilà. Merci, ces îles de Trapure. Si vous ne faites rien, oui, il va mourir. Ah. Je te regarde, pas bien, tu vois, genre en mode laisse pas mourir, quoi. Même s'il est déjà âgé. Ah mais non, mais je te regarde, mais tu vois pas, c'est vrai. C'est de la vie, quoi. Âgé comme un professeur expérimenté, quoi. Il a pas non plus... c'est pas un vieillard, hein. Il a pas non plus 90 ans avec une canne. J'ai cru qu'il était pas mal en fin de carrière. oui, voilà, professeur en fin de carrière, il doit avoir 62, 63 ans, encore 3-4 ans, et puis il a la retraite. Je me rappelle que... À 2 semaines de la retraite, quoi, oui. Je me rappelle que dans Saint Seiya, ils ont eu leur propre notion de ce qu'on appelle les premiers soins. T'en as certains qui font un genre d'imposition des mains et c'est bon, t'as une jambe qui est cassée, qui l'est plus. T'en as d'autres. Oui, mais ça marche avec les chevaliers. Où est les points étoilés? En disant c'est plutôt bien. Il a pas ça marche avec les chevaliers, ça. Ça marche avec les chevaliers, ça. Non, non, moi c'est l'absolution de Gerada, hein, donc c'est beaucoup plus sympa, hein, on va dire. C'est beaucoup plus, c'est les plumes de grue, quoi, on va dire. Oh. Pour soigner. Peut-être pour à talent de cheval. Est-ce que l'un d'entre nous est en mesure de remettre cet homme sur pied ? Oui, moi, je peux le faire. Eh bien, fais-le. Devant vous. Nous... Atalante, il est vraiment devant vous. Tu nous rends plus tard. Oui. Bah, on est des chevaliers d'Athéna, donc on doit se séparer. C'est vrai qu'il y a plein de galeries différentes. Voilà. Mais Je vais m'agenouiller près de lui et je vais faire apparaître une plume pour l'absolution de Gerana qui va pouvoir soigner cet homme. J'espère en tout cas. Très bien. Pour un point de conscience. Très bien. Parfait. Du coup, assez. Faut que je fasse un jet avec ça ? Oui. Ouais. Faut que tu fasses un jet de la tribu correspondance et la tribu sociale charnelle. Okay. La tribu charnelle sociale plutôt. Social, ouais, c'est ça. J'ai mis en social parce que c'est le côté exemplarité, dévouement vers les autres, en fait. Pour ça, j'ai mis. Et du coup, au-delà de la blague, est-ce que vous voulez, pour pas perdre de temps, parce qu'il y a des chevaliers d'Arès qui sont pas des personnes qui sont grave, ouais. Pas loin, vous vous séparez, quoi. Lorenzo. C'est ce qu'ils font tous, hein. Lorenzo, Lorena et Arduna, vous foncez. Je voudrais demander au professeur, au Shed, de prévenir comme quoi le temple a été corrompu par des chevaliers d'Arès. Parce que lui, il est en contact avec la... Avec la fondation, la fondation. Pas forcément de base, mais si tu lui expliques la fondation, ouais, elle a un numéro vert. Je vais lui donner numéro vert cosmique. C'est ça, il va pouvoir l'appeler. T'inquiète après, pas, ses followers vont se recharger. Du coup, Atalante s'occupe de soigner le professeur. Ouais. Lorenzo, est-ce que Atalante aussi rentre ou pas dans mon jet, ou pas? Oui. Je pense qu'il rentre pour toutes les techniques stellaires, plus ou moins. Arduna, Yulina et Lorenzo courent à fond. Ouais. Arduna en premier, suivi par Yulina, puis par Lorenzo. Et au moment, alors, on les voit un plan fixe, on voit les trois chevaliers se courir. On entend une voix de méchant. Méchant. Vous ne nous arrêterez pas, chevalier Athéna, par le labyrinthe de Dédale. Et il y a une espèce de nuage psychédélique. Les galeries se démultiplient, une galerie devient deux galeries, qui devient trois galeries, qui devient quatre galeries, qui devient cinq galeries. Et même la galerie où vous êtes se divise en un, puis deux, enfin bref, vous retrouvez Arduna, tout d'un coup tu te retrouves seul, tu t'arrêtes net. Il n'y a plus personne derrière toi, Yulina, pareil, on la voit, un plan fixe, elle s'arrête net, plus personne derrière elle. Et Lorenzo, plus personne derrière toi. Est-ce que mes sens m'abusent? J'ai perdu mes compagnons. Ouh. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. Gamin. Quoi? Tu mettrais en doute l'amitié qui nous lie? Oh que oui. Et tu vois un gros mec, un mec super balèze en armure plus rouge. Plus grand que toi. J'ai envie de dire, c'est pas dur. J'ai envie de dire... Ça m'arrive souvent. Est-ce que ses cheveux sont plus longs? Et plus soyeux. Non, ses cheveux sont courts. Aucune chance. Ses cheveux sont courts. Le voici, le méchant. Le méchant. Ah oui, effectivement, c'est un gros machin. C'est un molosse. Oh là là, il est tellement large. On dirait une espèce de brique. Peut-être avons-nous eu tort de le déranger. Chaque fois qu'il marche, t'entends la l'odeur, c'est pas... En plus, avec le système de galerie et tout, ça résonne. Il fait moi, Brutus, de la rage céleste, de la force pure, je vais t'écraser comme le vulgaire insecte que tu es. Mais il parle d'écraser qui là? Vraiment Lorenzo, moi? Oui. Et bah, merde. C'est pour toi. Ouais. C'est toi qui parles. Hein. Ok. Non, je m'étendais pas. Parce que comme tu avais commencé par Arduina. Ok. Bah t'as dit, est-ce que mes sens. Non, ça m'abuse. M'abuse, donc ouais. Comme t'as parlé, il a réagi. Et donc, puisque je sais que maintenant que c'est à moi qu'il s'adresse, je vais te demander de répéter ce qu'il a osé dire, indépendamment du fait de piétiner toute relation d'amitié que moi je pourrais avoir. Il a dit qu'il s'appelait Brutus, qu'il était de la rage céleste, de la force pure, et qu'il allait t'écraser comme le misérable insecte que tu es. Que tu possèdes des outils, et lui il est une arme. Mais pourquoi une telle pensée belliqueuse? Son cosmos est bien évidemment ultra agressif. Et quand tu demandes ça, son cosmos devient de plus en plus agressif. C'est la première fois pour moi que je sens un cosmos aussi agressif. Ah oui, dans les entraînements, les machins, personne. Là, tu sens vraiment qu'il en veut à ta vie. Et lorsque tu lui demandes pourquoi, il te dit bah, parce que je sers le véritable dieu de la guerre. Tandis que toi, tu sers une gamine, déesse de la sagesse. Et il fait des guillemets. Il fait des guillemets avec les doigts. Mais c'est un mur, t'entends qu'il est un peu coincé parce que c'est un peu large. On dirait un T-Rex, tu sais. Non, je précise quand même parce que c'est assez important, mais là où vous êtes retrouvés, c'est suffisamment large pour un molosse comme lui pour que vous puissiez vous battre. Je vois, Berserker d'Arès, que tu as le sens des présentations. Tu railles ma déesse, tu unis l'amitié qui nous lie, nous, les Sœurs d'Athéna. Je vais te montrer que nous saurons aussi te donner du fil à retordre. Et mon cosmos se déploie et éclaire le boyau, alors que je perds lentement ma voix. Je vous avais prévenu. Où êtes-vous? J'entends tousser. Qui est-ce? Est-ce que ma scène s'achève et on passe à un autre joueur, ou au contraire, non, je pourrais faire mon premier jeu de toi? Merde. Je suis désolé pour ton premier jeu de la soirée, mais non, on va passer à un autre joueur. Pas de problème. On a potentiellement trois chevaliers qui sont dans la mise dans la potentielle remise, et puis va falloir revenir aussi à Atalante qui sauve le grand professeur Olshad. Bah oui, c'est important. J'ai fait trois réussites. Mmh. Oui, tu vas sauver le professeur Olshad. Bravo. Du coup, Yelena, t'es seule et tu sens une chaleur intense. Oh non. Je me retourne prête à me protéger. Au moment où tu te retournes, une gerbe de flammes devant toi et du feu sort une femme blonde avec une armure rouge, des piques. Et qui loue négligemment avec une espèce de mini boule de feu dans sa main droite. Tu vas regretter d'avoir souillé ce temps. Je vais cramer. Non, c'est moi qui vais te congeler. Et je prépare un mur au cas où elle attaque avec son feu. Très bien. On va passer à Arduina, dès que j'aurai réussi à... J'imagine qu'elle est plus grande que moi, comme d'habitude. Non, vous faites à peu près la même taille, elle est pas spécialement grande. Ok. Je peux la regarder dans les yeux sans problème de cou. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Et du coup, Arduina, pareil, sort de l'ombre ton adversaire, un homme, avec une espèce de... comme deux gros yeux de mouche sur le dessus de son casque. Et une armure rouge avec également des piques. D'ailleurs, tu vas me faire... Ouais, des sortes d'ailes également. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de mental réactif. Réactif du charnel. Ouais. Résistant. De réactif charnel. Avec corps à corps. Ouh, le salopard. Il t'attaque par surprise. Il n'a pas attendu. Pas de présentation, pas de. Oh, ouais. Oh non. Il en est pour ses frais. Oh, tous ces 5. Ça se paye, ça. Oui. 5 succès face à lui, et je vais en profiter pour relancer le 1 en utilisant mon instinct parfait. Cosmique. Puisque... Ouais, l'instinct pour pas se faire attaquer par surprise, c'est vrai que c'est top. Ça fonctionne. Et oh, 2 de plus. Waouh! Mon jeu me reconnaît. Il reconnaît son maître. T'as entendu un petit mis ouais, mais là c'est de la défense, donc pour l'instant tu lui as rien fait du tout. Oui, donc je lui annule 7 x 2, 14. Succès. Ouais, t'annules tout. T'entends un petit zzz, et j'imagine que t'as juste reculé ta jambe un peu comme on fait à l'altitude, tu t'es juste déplacé très doucement. Ouais. Et il fonce à côté de toi, il te loupe, et on voit son petit poing arriver dans le mur de pierre et faire un gros trou dans le mur de pierre. Tu es rapide pour un insecte. Et on retourne à Atalante. Qui vient de soigner le professeur. Je soigne aussi par mes encouragements. Hein. Oui. Je lui dis qu'il a eu beaucoup de courage de venir juste ici, mais qu'à présent il va devoir repartir en arrière. Tu peux me faire un attribut charnel réactif toi aussi, s'il te plaît. Quoi? Comment hostile? Tu vois ça le pire. Ok, réactif, insaisissable à 3, du coup. Avec corps à corps ou avec acrobatie, peut-être, si ça va mieux. Comme tu veux. Ah bah, si tu me fais laisser le choix, je prends le courant. Ouais, bah, corps à corps, oui, ça part bien. Acrobatie pour la grue, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, hein, ouais. Ça dépend ce que tu veux faire graphiquement. Bloqué, je pense que là, vu que je suis à genoux en train de soigner Olshad, à mon avis, si je me fais attaquer, c'est vraiment plus du réflexe pour bloquer, en fait. Pas d'estive, parce que sinon le pauvre Chad il va se prendre la contre-attaque. Est-ce que je vais relancer avec intuitif? Donc je vais relancer le 1. Ouais, tu peux. Hop. Et ça fait. Oh, ouf! Tu deviens un 6. Ça fait du bien, je passe de 2 à 4 du coup, réussite. Eh ben, il avait fait que 2, donc ça suffit. En fait, tu es surpris. Tu es complètement surprise, mais heureusement ton intuition t'a sauvé, mais en fait. Alors que tu étais en train de le sauver et qu'il allait mieux, oui. Le professeur Maximilien Olshad a essayé de te poignarder. Quoi? Ah, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Il a les yeux injectés de sang. N'oubliez pas de vous abonner. Comment tu as fait ça? Il avait frappé. Comment on se tue? Il essaye de te... Il continue, mais t'as bloqué sa main, mais tu vois que... Oui, il a les yeux injectés de sang et il force, il commence à se faire mal lui-même. Comment osez-vous? Et en plus, tu vois une espèce de bave blanche qui commence à perler le long de ses lèvres, comme s'il avait la rage, comme s'il avait... Il est malade. Il y a quelque chose de... Je sens un cosmos qui essaie de manger le sien, peut-être, ou un... Corrompu. Des choses de ténébreux qui prend possession de lui. Tu sens que quelque chose a pris la corrompu également. Oh non. Le purifier ou pas? J'espère. Non, je vais te purifier par la main droite, hein, c'est pas grave, hein, mais... Qui c'est qui veut commencer la bagarre? On a Arduina contre on sait pas qui, mais qui est pas très rapide. On a Yulenia contre on sait pas qui, on a Lorenzo contre Brutus. On est trop poli. Taper la mouche. Oh, il veut se taper la mouche. Les hostilités. Romain, tu veux y aller? Ouais, puis je connais les règles du combat, donc ça peut servir à... Ça fera un tuto. À guider les autres. Ça marche. Je suis prêt à te... détruire. C'est plutôt toi qui ressemble à un insecte. Tu vas voir comment la fureur d'un sanglier peut écraser les moucherons comme toi. Et donc, j'opte pour une attitude offensive. Sanglier, très bien. Donc, on va se la faire à la Saint Seiya, j'imagine, de chacun attaquant. Ouais, okay, on l'attaque, ouais, évidemment, ouais. Sinon c'est pas drôle. On t'écoute. Donc, j'augmente mon cosmos et je vais. Je croise les bras sur ma poitrine, il commence à se recouvrir d'énergie électrique. Et je les projette en avant, et je lui balance la foudre que crache le sanglier de Calydon, afin de débarrasser de lui par une attaque directe et puissante. Très bien. C'est fait. En plus, si jamais je ne l'achève pas du premier coup, le sonnera suffisamment pour que j'emporte un deuxième. Donc je vais lancer ses attributs actifs, donc puissance 3 plus cosmos 3, donc je vais lancer 6 dés. Donc lui, il fait comment? Il se met en défensif ou offensif? En défensif. Ah, il se méfie. Il a raison. Donc... Ça ne suffira pas, j'en suis sûr. Hmm. Un. Ah, je peux relancer au moins le 1. C'est ma foi qui me guide, là. Je sais que je dois éliminer ce berserker qui représente une divinité contraire à ce que sont Athéna et Arduina, qui sont des divinités de l'harmonie, du vivre dans l'amour et la justice. Et du coup, je vais relancer le 1 en utilisant... Hop. Ça ne sert à pas à grand-chose. Donc, je ne fais que 4 succès. Pour lui porter cette attaque dans laquelle j'ai mis tout mon cosmos. Hein. Une gerbe d'éclairs traverse le couloir, projetant une lumière sur les murs. Ah, le salaud, il fait un bon jet quand même. Oui, après moi j'ai fait dans mon coin, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en défensif et il a utilisé son attribut cosmique roublardise pour relancer des jets, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as jeté sa foudre, et tout d'un coup, il a répétissé, il a pris la taille d'une mouche, et a volté autour de toi, et du coup, tes éclairs, tu n'as pas pu le toucher. Il a repris sa taille normale avec un sourire narco en disant que... il a annulé 8 des miens. Que tu ne pourras jamais le toucher, et que même s'il n'arrive pas à toucher non plus, tu finiras par mourir d'épuisement. Voilà une défense digne d'une moucheron que tu es, mais tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu peux te moquer autant que tu voudras. Nous sommes plus nombreux que vous. Votre combat est déjà terminé. Ça. Il n'y a bien que sur le nombre que vous pouvez compter, lâche que vous êtes. Nouvelle passe ou tu passes à quelqu'un d'autre, du coup? Je vais faire une passe à chacun, comme ça. Ouais, comme ça sera plus. Comme dans la série. Ouais, comme dans la série. Soit Lorenzo, soit Yulena. Qui c'est qui veut faire la bagarre? Ok. Faire la bagarre. Elle s'avance tout lentement avec sa gerbe. Donc en fait, au début, tu choisis si tu vas être offensif ou défensif. Ok. Alors défensif te permet facilement. Ouais. Toi, offensif, tu fais des dégâts. Et si elle est offensif aussi, vous faites tous les deux des dégâts. Défensif, tu peux que annuler des dégâts. Non, celle qui gagne. Ouais, uniquement celle qui gagne, pardon. Et comme dans la série, les deux qui se croisent, et puis celui qui a été touché qui s'écroule dans une gerbe d'os. D'accord. Ouais, je vais essayer d'être sur la défensive. En fait, j'ai un plan. Je voudrais qu'elle s'épuise à lancer son feu. Et moi, en fait, avec ma glace, la laisser fondre, mais tout autour d'elle, en fait. Et après, transformer le tout en patinoire. Ok, bah tu peux faire... attribut charnel réactif, donc c'était résistance, plus corps à corps. D'accord, ça me fait 4. Et elle, elle va faire de l'attaque, de la bagarre. Un peu peur quand même. Attendez, j'ai... Attendez, j'ai confiance en toi, chevalier. Je relance comme ça. 5, 5, 4, 2. Je peux relancer le 2, c'est ça ? Si tu, ça... si tu dis que oui, oui, parce que t'as fait un plan, tu peux prendre ta stratégie, et ah, tu oui. peux relancer le 2. Ouais, pas mal. Ouais. Bien vu. Okay. Donc je le supre le 2 et je relance ouais, juste un dé. Et tu relances juste un dé. Alors on va faire comme ça. Voilà, et ça fait un 4, c'est très, très dommage. T'as fait 2 succès, et elle, elle a fait combien ? Elle a fait qu'un succès, donc elle fait par les flammes de la destruction pour Monseigneur Arès. Elle envoie une gerbe de flammes, mais tu lances ton Great Ice Wall qui bloque complètement. Ouais. Et comme là, ça a été très court, qu'il n'y a pas eu une parole, on va refaire une petite passe d'armes, elle va recommencer. Ah bah, laisse-lui crier son attaque. Voyons, on pourra clipper comme ça. Pardon. Ah, c'est quoi la mienne ? C'est mur de glace, non ? Je peux l'appeler comme je veux ? Oui, tu peux l'appeler comme tu veux. En anglais, avec un accent à couper au couteau, c'est beaucoup plus drôle. Great Ice Wall, tu vois, c'est beaucoup plus rigolo comme ça. Il faut le faire avec l'accent japonais. Voilà, avec l'accent japonais en anglais. C'est parfait. Je refais le même jet du coup. Ouais, tu refais le même jet. Et tu reprends. Et au fait, à chaque fois, ça t'a coûté un point de cosmos, donc tu dois être à 4. Ah oui, au fait, n'oublie pas. À 3 même. À 3. C'est vrai, moi aussi, j'en ai utilisé un. Je vais l'emprisonner cette fois. Sachant qu'en plus du si jamais vous bougez les fiches parce que j'ai pas verrouillé les fiches comme un con, vous pouvez faire CTRL Z. Et vous avez le cosmos de votre armure aussi dans lequel vous pouvez toucher. Ah oui, j'avais oublié ça. Mais écoute, moi j'ai l'emprisonner en fait parce que je dois être un peu trop agressive. Ok. Donc, je vais essayer d'essayer de prévoir ses attaques. J'ai l'impression qu'elle est tête baissée, qu'elle fait toujours la même chose. C'est ça. Je vais un peu la provoquer. C'est donc tout ce que tu es capable. Ok, on m'avait dit que les chevaliers d'Arès étaient... Audace. Ouais. Ça va être l'audace, plus le corps à corps. Ok, audace et corps à corps, ça me fait 5 dés. Elle a fait 2 succès. Alors moi, je fais rien du tout. Donc je peux relancer 3. Bah, si jamais t'expliques en quoi c'est ta volonté qui marche, tu peux tous les relancer sauf le 4. Ah, ok. Que c'est ou l'adresse. Adresse ou volonté, t'as 3. Ok, moi ma volonté c'est de vite la mettre en prison pour qu'elle arrête de lancer pour pouvoir la maîtriser et. Ça marche, tu gardes que le 4, tu peux supprimer les autres et tu relances 1, 2, 3, 4 dés. Je relance 4 dés, ok, tac. C'est parti, 4 dés. Et ça fait 1, 2, ça fait 2 succès. C'est pas fou, hein. Ouais. Ce n'est pas suffisant, elle en a fait 4. Oh, j'essaie non. de l'emprisonner, tu vois, j'essaie de contenir avec ma glace et je sens que c'est trop fort. Au moment où tu enlèves le mur de glace et qu'elle envoie sa nouvelle gerbe de feu, tu essaies de l'emprisonner, mais son feu fait fondre tes anneaux de glace, c'est pas assez solide pour la retenir et le feu t'envoie contre la roche et pire que ça, la roche autour de toi commence à fondre. T'as un peu de lave en fusion qui arrive et tu t'es pris du coup 1, 2, 3, 4. Toi t'avais fait 2. Ouais. Bon, tu te prends 3 dégâts en l'attribut. Je dis pas de bêtises. Romain me corrigera, mais ouais, tu choisis un attribut où tu perds 3. Et est-ce que la protection de l'armure rentre en jeu à ce moment-là ? Oui, la protection de l'armure normalement rentre en jeu. Ah, donc tu perds que 1, c'est ça ? Avec une protection. Tu perds 1 sur un attribut ? Ouais. Ah, c'est vénère, hein ? Bah, du coup, je vais baisser ma sagesse à 1. les cailloux, ça rend idiot à force de prendre quelques coups sur la tête, ouais, j'avoue. Dans un hurlement. Lorenzo ! Oui. Oui, maître, c'est moi. C'est parce que t'as été coupé chez moi, c'est pour ça. Ah, pardon. Oui. Oui, du coup, Yulania s'est fait exploser. Et. J'entends, c'est comme si je percevais les hurlements de mes amis. Le temps presse. Tu les entends vraiment. C'est un cri horrible. Oh, je dois terrasser ce colosse au plus vite pour me porter à leur secours. Et donc je commence à déployer mon énergie et je lui dis je n'aspirais qu'à créer et toi qu'à détruire. Mais tu verras que le vermisseau que je suis est capable de mordre lui aussi. À moi. Oui, j'ai des techniques. Crushing chisel. Et donc. Un peu comme ça, ouais. Ouais, donc t'es en offensif. C'est ça. lui aussi. Sans blague. Ouais, c'est vrai que sur celui-là, il n'y a pas trop de suspense. Oui, mais bon. Ah ! Pardon. Ses pouvoirs sont incommensurables, mais pas autant que mes lacunes en ce qui concerne cette mécanique. Que dois-je donc lui lancer au visage ? Attribut charnel réactif. Non, attribut charnel actif, donc c'est fougue. C'est fougue. Et fougue. Fougue et cosmos. Ouais, fougue et cosmos, par exemple. La fougue. Fougue et cosmos ? Ah d'accord, j'additionne mon talent, donc. Ouais, l'attribut plus le talent. Tu lances autant de dés que ton attribut. C'est une bonne poignée, dis-moi. Cosmos, c'est peut-être un peu abusé, parce que c'est pas forcément du cosmos, vu que c'est une attaque physique. Non, non, ce serait juste... Fougue et puis... Dans ce cas, je relance, alors ? Donc, c'est fougue et quoi ? Non, si, cosmos, on va dire que c'est bon. Ok, chef, c'est vous le boss, boss. Relance cosmos, attends, je sais plus où j'ai noté ça, mais... C'est le truc qui sert pour toutes les attaques, en fait. Ouais, ça peut servir pour toutes les attaques. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire pour faire un succès. J'ai que comprendre qu'un succès... Et 6, c'en est 2. D'accord. Là, pour l'instant, c'est pas terrible, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux expliquer en quoi tu utilises un de tes attributs cosmiques, et ça te permet gratuitement de relancer tous les résultats qui sont inférieurs aux 10 attributs cosmiques. Par exemple, si tu t'expliques que tu veux pas lui faire trop mal parce que tu utilises ton empathie, tu peux relancer... Mais non, au contraire, c'est mon empathie qui... c'est mon empathie pour mes camarades, quoi. Celle qui l'a nié, qui l'a piétiné. Ouais, non, t'as raison, ça marche. Du coup, ça te coûte rien, donc, gros, tu peux enlever... Mon empathie étant de 3, tout jet inférieur à 3 a droit à une relance. Inférieur ou égal à 3 ? Inférieur ou égal à 3 ? On va dire que oui. Inférieur strictement, ouais. Inférieur strictement. T'as un et 2, c'est ça. Ah. Eh bien, il y a quand même un 6 sur le lot. Bravo. Oui. Et donc 5, c'est un peu le succès, c'est ça ? Ouais, donc ça fait 3. Lui, il a fait qu'un, ce qui veut dire que... C'est toi qui lui fais mal. Bobo. C'est toi qui lui fais mal. Brutus, il te fonce, il te donne un gros coup de poing dans la face et tu le frappes. À ton bureau. Oui. Donc, tu vois juste les choses de son point de vue. Il y a son poing gigantesque derrière lequel je disparais presque totalement. Et en fait, on entend une sorte de crissement. Non, même pas. On sent une sorte de crissement. Comme tu as dit que c'était le crushing chisel, en fait. C'est mon chisel qui a frappé de son poing et c'est son poing qui cède. La plume est plus forte que l'épée, même si ce n'est pas une plume. Du coup, ça fait combien de dégâts ? Dégâts 2. Ça fait un dégât par succès plus à chaque fois les deux du truc. En fait, ouais, il fait 3 dégâts par succès avec cette technique. Ouais. Donc ça fait 3 x 3, 9. Ouais, 9. Ce qui 9 est plutôt pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal de notre niveau d'attribut. Ouais, il a le poing complètement brisé. Il réagit comment, du coup, le Brutus ? Stoïque. Oh, putain. Il prend son bras gauche et il le lève pour faire la même chose, mais les regards attentifs, et je sais que les spectateurs le sont énormément, verront une petite larme quand même couler le long de son œil, qui essaye de réfréner. Et Atalante, tu es avec le professeur Maximilien Chad qui essaye en vain de... Enfin, professeur, reprenez-vous ! Ce n'est pas vous, c'est de faire cela. La bave, l'espèce de bave blanche, un peu comme s'il avait pris du cyanure, commence à remplir de plus en plus la bouche, il commence à convulser, il n'arrive même plus à t'attaquer. Que fais-tu ? Il commence même à... Il perd la force de m'attaquer, en fait, tout simplement. Ouais. Il convulse tellement qu'il n'arrive même plus à t'attaquer. Je le bascule sur le côté, j'essaye de sentir s'il y a quelque chose, un cosmos qui prend forme en lui, et voir si je peux le chasser, en fait, ce cosmos. En mettant mon cosmos à moi, à l'intérieur de lui. Social et cosmos. Bien sûr. C'est beau. Social et cosmos. Et ça va être. Ouais. Ah oui. C'est joli. Social et cosmos, c'est pas mal ça. Ouais, c'est t'interagis avec quelqu'un. Donc, c'est ouais. Ça me va très bien. J'ai fait le perso pour ça. C'est un peu ta spécialité. Oui, c'est vrai que c'est un peu ma spécialité, effectivement. Ça peut être ma spécialité, c'est pas le feu. Alors pour l'instant, c'est 3 réussites. Ça suffit, t'embête pas. Ouais, pas besoin de relancer. Ouais, non, ça suffit. Ça marche. De mémoire, un truc moyen, c'est 1, et après, c'est 2, 3, machin, ça peut monter éventuellement, ouais. Mais voilà. C'est pas un cosmos, mais en fait, tu sens que une volonté quasi divine a juste exacerbé la colère en lui, la rage en lui. Ah, ouais. Et avec ton cosmos, ça va te coûter un point de cosmos, par contre, bien et sûr. Avec ton cosmos, en fait, tu fais l'inverse, en fait. Et tu ravives tout ce qui était paisible en lui. Et... C'est ça, exactement. J'essaie de remplacer son sentiment de colère, son sentiment de haine, par de l'apaisement, en fait. De la confiance et de l'apaisement. Je repense à mes amis qui sont je sais pas où, d'ailleurs, pendant ce temps-là, parce que moi, je les ai pas vus partir dans le labyrinthe de Minos, là, mais... de Dédale. Non, oui. Donc, mais je repense à mes amis. Du coup, ça dure pas longtemps. Tu le calmes grâce à la puissance de ton cosmos. Il repart avertir la fondation Graal, le sanctuaire, et puis. Très bien. Il se reprend pour sa vie. Et puis toi, tu reprends ta route. Je me retourne et je vois du coup rien. Enfin, je vois. Oui, effectivement. Mais je veux dire, je ne ressens plus mes amis. Je ne ressens même plus. Tu ressens plus aucun cosmos. À part le cosmos agressif du départ. D'accord. Qui se situe là où le professeur Maximilien Ochad vous avait dit qu'il était la relique. Il est toujours là. Je suppose que la dernière qui nous a lancé cette technique n'est pas un de ceux qu'on affronte. Ah oui, il ne doit pas être très loin. Et donc je ressens ce cosmos à côté de moi, du coup, quoi, on va dire. Non, il est relativement loin, il y a plein de galeries, puis c'est là où le professeur Maximilien Ochad vous avait dit qu'il y avait la relique. Donc ouais. Encore faire plusieurs Je vais laisser guider par mon instinct et essayer d'y aller en courant. Bien. Je me dis peut-être que cette présence écrase le cosmos de mes amis et qu'ils ne sont pas. Oui, ils sont pas là pour l'instant. Et que peut-être. Arrête de me moquer de moi, Juliana. du coup, on retourne à Arduana qui combat la mouche. Je me relève péniblement. Ah, pardon, Juliana, ah, si tu veux. J'avais dit Arduana. Comme tu veux, j'ai entendu mon. Non, c'était moi, du coup. Ouais, Arduana, Juliana. Non, c'était pas toi, mais tu sais quoi, Juliana, ça va être toi. Ok, comme ça va permettre à. Ok. Bah écoute, je sors du mur. De se présenter. Ah, ok. Je me relève tout doucement avec les briques encore fumantes, ma peau rouillée par la douleur. Et j'essaye de faire apparaître l'étoile polaire, une espèce de norme un peu stylisée avec un flocon derrière moi pour étendre mon cosmos. Je la prends au sérieux. Même si je lui dis. Tu tapes moins fort que mon petit frère. Oh. Au moment où tu dis ça, elle rigole. Et il y a comme une espèce de malaise. Puis tout d'un coup, elle arrête de rire, elle reprend son sérieux. Elle fait bien, si tu comptes te battre sérieusement, je vais me présenter. Je suis Aurora, de la rage céleste des flammes. Et je serai ton adversaire. Bien, je suis Yulana. Je sais pas s'il faut dire après, parce que moi je viens de. Est-ce que je peux lui dire que je viens de. D'Asgard. Dis ce que tu veux. Prêtresse. Et je viens du royaume d'Asgard. Je suis contente que mon chemin ait croisé le tien. Une légende. Asgard. Venue. Asgard, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on est déjà allé vider des sanctuaires de leur essence là-bas. Tu vas le regretter. Et là, cette fois, c'est moi qui attaque. Très bien. Bah, elle. Attaque préfète, je peux en inventer une du coup ou pas? Si, t'as une attaque. En fait, t'as pas. En fait, c'est juste que tes deux techniques que je t'ai fait, c'est une attaque, c'est une technique pour te défendre avec le gros mur de glace qui a toutes les attaques, ouais. Et le truc t'emprisonne. Je t'ai pas fait d'attaque directe en fait. D'accord. Ouais, tu peux le mettre. Je vais faire un espèce de gros frisbee, tu vois, un gros flocon frisbee. Et genre, je le dessine et après je bouge. C'est malheureusement pas possible, c'est moi qui t'ai fait ton perso et t'as pas ce genre de technique. Parce que Je me souviens que mon maître m'en a parlé, mais que je l'ai pas encore. Alors j'essaye de le reproduire, je m'en fiche. Ah, du coup, j'attaque normal en fait, sans technique. Soit t'attaques sans technique, soit tu peux utiliser le Freezing Gel qui lui mettra des malus qui l'a fait pas mal, mais qui est censé, si tu réussis, elle se prend un malus de 2 pendant une action. Ça veut dire qu'après tu peux la frapper, mais oui, effectivement. Guinéa, c'est moi qui l'ai faite, elle n'a pas d'attaque directe. En gros, c'est un perso pour être avec quelqu'un d'autre, tu vois. Bah, c'était une bonne idée de se séparer. C'est ça, je vais faire... Pour se défendre. Tant que ta défense fonctionne, le gars en face, il fait rien, puis après, tu lâches un peu à toi de voir. C'est vrai que ma défense, elle est pas mal pour l'instant. Je regarde mon site dans le mur, encore mon empreinte. Mais parce que pour ton empreinte dans le mur, c'est parce que tu n'avais pas utilisé ta défense. Tu avais voulu l'emprisonner et... Ok, bah écoute, je vais juste me défendre alors. Ok, elle va continuer de t'attaquer. Je vais me défendre, mais. Comment dire. En étant un peu plus vivace, je sais pas comment dire, moins dans la tente. Je vais essayer de faire des feintes pour provoquer des attaques et la laisser se fatiguer en fait. Ok. Comme la neige éternelle, je resterai. Alors, c'est avec Résistance et puis Cosmos. Résistance et Cosmos, donc ça me fait 4. C'est parti. Ça me fait un succès. Je peux relancer avec le truc gratuit. Ouais, tu choisis. Faut juste que tu choisisses adresse ou volonté, comme ça tu pourras avec de la volonté. Avec de la volonté, parce que le but est de tenir un maximum longtemps. Et de pas pas finir dans le mur encore une. Tu peux relancer de 2 heures. Ouais. Faudrait que tu fasses 2 succès. Waouh. Possible avec un 6. Ah, 6 et 5. Bah. Ouf. J'y croyais pas. Hein, j'y croyais pas. Emmerdé la petite. Par les flammes de la destruction! Et les flammes, tu t'es encore perdu un point cosmos, les flammes s'écrasent encore sur ton mur, et tu te rends compte que ces flammes sont moins vives que la fois d'avant, et elles commencent à se fatiguer. Tu vois que ces flammes sont. Ok, moi aussi, mais elles baissent en intensité. Quoi. Okay. Et même, tu la sens haletée, tu la sens. Elle est pas bien. Arduna? Oui. Il y a toujours le chevalier de la Rèche. Je suis Ebus de la rage céleste de la pestilence. Ah merde, il va essayer de me rendre malade lui. Alors, puisque j'ai vu que frapper en puissance, malheureusement, il y échappait facilement, je vais tenter en fait de l'écraser d'un revers de main, quoi, comme une mouche pour l'écraser, le projeter contre un mur, tant qu'il est sous cette taille fort agaçante. Ah, il reprend sa taille après chaque attaque. Ouais, c'est juste pour esquiver. D'ailleurs, il recommence. Hein. Il est toujours en mode défense. D'accord. pardon, c'est moi qui ai mal expliqué. Quand tu l'attaques, en fait, il prend une petite forme. Du coup, tu n'arrives pas à le toucher. Et dès que ton attaque est terminée, il reprend sa forme initiale pour te narguer, pour éventuellement attaquer plus d'accord, tard. D'accord. Là, il est toujours en mode défense. Donc, je vais en fait l'attaquer au corps à corps, histoire de voir jusqu'où il utilise cette technique. Donc, je vais utiliser corps à corps et puissance. Donc, 3 et 2, 5. Je vais griller un point de cosmos pour lancer un dé de plus. Ok. On peut faire ça. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais on peut faire ça. Et il n'y a pas de limite. Quand on a le 7ème sens. Ouais. Alors, c'est vraiment pourri. Ouais, t'es bien à peine. Pour le moment, qu'un succès et ah mon dieu, il n'y a qu'un dé que je peux relancer. Ouais, c'est pas. Ça va être un échec. Tu peux pas réussir. Je peux pas réussir face à lui, ouais. Ah, vraiment. Non, il a eu 2 succès, il a eu 2 5. Je mets les dés là pour que tu les vois bien. Ouais, Mais du coup, si, tu pourrais faire un 6. Si, tu peux. Effectivement, tu peux relancer avec. Ouais, on ne sait jamais. Quand même le temps de décourage pas. Athéna guide mon point. Et malheureusement, Athéna t'étais pas, ne m'a pas entendu du fond Athéna. De ce souterrain. Athéna. Je vous rappelle quand même que Athéna, depuis la dernière guerre sainte où elle a disparu dans les enfers, enfin aux Champs-Élysées, elle n'a pas été réincarnée. Donc c'est peut-être pour ça que ça marche moins bien. Elle est toujours là. Du coup, je sais pas ce qu'il a utilisé comme défense, mais. Toujours pareil. S'il a refait. Mon point frappe là où il se tenait, mais où maintenant sa forme rapetissée n'est plus. Et me voilà ayant gâché un point de cosmos pour rien. Typiquement le genre d'adversaire que je déteste. C'est à qui ? Lorenzo ou à Talent, je sais plus ? Lorenzo. À moi ? D'accord. Oui. Vas-y. Ouais, donc, je venais de lui briser le point. Enfin. J'en ai eu la sensation, j'en ai même la certitude, et s'apprêtait à en mettre un deuxième. Son point est brisé, ça c'est une certitude. En tant que caution bichonen de cette bande, il faut que je souffre moi aussi, pour que le public se pâme. Je vais miser sur la défense cette fois. Et je lui dis, abandonne Brutus, ta violence est bien peu de chose face au lien indestructible qui me lie à mes semblables. Je suis le chevalier de la force pure. Rien n'est indestructible. Je vais briser ton amitié en brisant tes jambes. Pas. Ta solitude est clairement, une chaîne qui t'entrave. Clairement ou pas. 0 succès, donc clairement non. Clairement. Oh, génial. Clairement, il va rien. Ou pas. Pourquoi ? Il va rien briser du tout. à part sa confiance en lui. C'est beau, c'est magnifique. En fait, je ne fais rien. Quoi ? Et quand je lui dis « Ta solitude est une chaîne qui t'entrave », eh bien ce point qu'il voulait abattre dans mon visage, je n'ai rien fait pour l'esquiver. Et pourtant, il ne m'a pas touché. Je sens cette violence en toi qui vacille. Alors que ma voix me quitte à nouveau. Mmh. Pourquoi maintenant, Athéna? Il tombe. Brutus tombe à terre. Son poing brisé, il met la main droite, son poing brisé, pleine de sang, et les larmes coulent tout le long de ses joues. Bon. Et il est. Mon poing droit, celui qui a fait ma fierté, celui qui m'a permis de montrer à mes camarades des classes que j'étais le plus fort, celui qui m'a permis de devenir chevalier d'Arès, celui qui m'a permis de vaincre tous mes adversaires, mon poing. Je croyais briser tes liens, je croyais briser ta volonté, mais c'est mon poing qui a été brisé. Il perd de plus en plus de sang, et alors qu'il finit de déclamer son discours de défaite, tu vois qu'il te regarde avec respect et déférence, il fait « Je ne pensais pas un jour que quelqu'un de plus petit... » Quelqu'un de petit serait un aussi grand guerrier. Et il s'effondre sur le sol, inconscient. Ah, il est mort ou je sens qu'il est mort ou pas? Non, il n'est pas mort, il est inconscient. Il a juste perdu énormément de sang. Et puis surtout, tu sens l'agressivité de son cosmos qui t'avait fait peur un peu au début est complètement parti. Donc il n'a juste plus la volonté, plus l'énergie de continuer le combat contre quelqu'un qu'il a déjà vaincu. Berserker, peut-être que détruire n'était pas ton destin. Quand tu reprendras connaissance, peut-être que tu pourras choisir une autre voie et préserver au lieu de détruire. Mais je ne dois pas m'appesantir sur ton sort, je dois retrouver mes amis, leur prêter main forte. J'entends des violons dans mes oreilles, c'est beau. Je m'élance au plus vite. Parfait. Lorenzo laisse une petite fleur à côté de Brutus. Ah, tu peux, ouais, peut-être pas une petite fleur, à moins que t'en aies vu. Si, t'aurais pu en cueillir une avant, ou alors tu peux laisser un dessin de lui que tu as fait, ou une fleur en origami que t'as fait tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de le croquer. Au sens propre ou au sens. Mais voyons, ton esprit est mal placé. Tout ça d'Athéna qui se respecte est totalement asexué. Ça dépend, Omega, c'est canon ou pas? Parce que Shiryu, il a quand même un gosse. Il en a un aussi dans Next Dimension. Donc c'est canon, donc il a un gosse. Procréer, ça n'a rien à voir. À la missionnaire et dans le noir. Ça se fait par magie. Voyons. Voilà, c'est ça. Ouais, ben, bravo. J'aurais pas misé sur toi en premier quand même, je vais pas te mentir. Mais. Moi non plus, mais là, enfin, c'est beau, Athéna a parlé. Hein, je reviens tout de suite. A few moments later. J'ai préféré t'attendre comme ça toi aussi tu verras le vas-y. L'adversaire d'Atalante qui passe tout droit. Le fait qu'elle n'ait pas la vue la protège de toutes sortes d'illusions et elle arrive directement dans une toute petite caverne au plus profond après avoir fait 5 ou 6 descentes d'escalier. Une petite alcôve au plus profond du sanctuaire d'Arduna et avec un petit hôtel, la relique, une espèce de boîte en bois finement sculptée avec des dorures en bas de ce petit hôtel, de cette petite relique, il y a un homme avec une armure rouge, une espèce de corne, une espèce de sceptre qu'il a dans sa main gauche et de sa main droite, il possède une espèce de grosse machine, ça doit faire bien 1 mètre sur 1 rempli d'engrenages, de mécanismes, et avec à l'intérieur des espèces de trucs lumineux qui tournent. Et lorsque la talente arrive dans la pièce, tu as l'impression que c'est ces choses-là qui absorbent l'énergie du lieu. L'artefact. Et l'homme en question te tourne le dos et est en train de manipuler la machine et d'attendre que la machine fasse son effet. Et les boules d'énergie lumineuse à l'intérieur tournent de plus en plus vite et semblent absorber tout le cosmos. Juliana n'est pas là pour me décrire, malheureusement, mais je pense que je vais sentir un petit peu le cosmos négatif venir de ces ondes, en fait. Tout à fait. Oui, moi je décris surtout pour les spectateurs, parce que tu sais, toi, la machine avec les engrenages, t'entends juste des engrenages tourner, quoi. Mais je le ressens dans le cosmos, tu vois. Voilà, je le ressens. C'est tout, je sens exactement. Très bien. Je pense que j'ai fait du bruit en arrivant. Tu fais du bruit en arrivant parce que tu sens qu'il s'est retourné. Et surtout, à partir du moment où tu arrives dans cette alcove, tu sens comme si ton propre cosmos était aussi aspiré. Tu te sens pas bien du tout. Ah, quelle est cette sorcellerie? Pour l'instant, ça va. Tu te dis que le gardien, la bénédiction du gardien a dû te protéger parce que tu ressens plus la bénédiction du gardien. Jusqu'à maintenant, vous sentiez l'espèce de présence de bienveillance. Et quand tu es arrivé dans la pièce, tout de suite, là, tu ressens plus cette bienveillance du gardien, tu ressens plus la protection que tu as accordée au gardien. Mais ton propre cosmos est encore là pour l'instant. Et c'est sur ce suspense non négligeable qu'on va retourner à Yulena. Parce que Yulena combat Aurora de la rage céleste des flammes. Et son mur de glace est tellement puissant que ça fait plusieurs fois que Aurora lance ses flammes contre toi et que tu les arrêtes d'un revers de la main comme si c'était quelque chose de trivial. Et elle se fatigue, elle a de plus en plus chaud, elle se sent pas bien. Et au moment où elle arrêtait ses flammes et que tu réfléchissais à lui porter le coup fatal, tout d'un coup, sa poitrine, son abdomen plutôt, s'ouvre en deux et un point sort de sa poitrine en sanglanté, lui arrache le cœur. Tu vois juste la main qui tient encore le cœur fumant d'Aurora dans la main. Et tu entends une voix étrange, comme si la personne trafiquait sa voix, ou comme si une voix un peu métallique qui dit « Aurora, tu es trop faible, tu ne mérites pas de servir Arès. Je vais m'occuper de cette petite princesse moi-même. » Et la main écrase le cœur dans ses mains, et tu vois Aurora à peine tomber sur le sol, la poussière à peine retombée, que tu vois un homme pas très grand, pas très musclé non plus, avec une armure, j'ai pas son image à lui, mais le même genre d'armure, et un masque de guerrier, un masque un peu comme les masques africains de guerrier, très effrayant, et tu vois juste deux petits yeux derrière, qui semblent remplis de haine, et tu sens un cosmos très agressif, bien plus que celui d'Aurora, bien plus que celui que vous avez ressenti au début, tu sens que cet homme te déteste. Je voudrais faire quelque chose, même si c'est un petit peu contre nature, mais je voudrais en fait... cristalliser dans la glace Aurora. Si, c'est bon. Comme si, voilà, pour la. Peut-être un jour elle aura une transplantation de cœur par le professeur Olchadus. Bah, c'est bien, Olchad, c'est un archéologue, il fait pas trop de transplantation de cœur. Voilà, puis le cœur, je te rappelle qu'il a été explosé, non. Bah, c'est non, ça, elle aura besoin d'un cœur, mais. Son ultime tombeau. Ouais, j'essaye en tout cas de la cristalliser si c'est possible. Oui, c'est possible, bon. et comme on est dans Saint Seiya, le grand méchant mystère ne. Ne va pas t'empêcher de le faire. Il va te regarder cristalliser ce. Et ça part de mes larmes, en fait. De terreur et de. Oh, c'est beau! Ça s'enfuit et ça devient énorme. C'est trop beau, c'est gratuit. Hein. Je vais pas te faire. Je pense surtout que tu vas l'avoir besoin. Avec ma glace, je fais un petit cocon pour la protéger aussi du combat. En espérant un petit cercueil de glace. Voilà. Peut-être que quelqu'un la sauvera un jour. Ce ne sera pas moi, mais je me dis peut-être. A-t-on besoin d'un cœur pour vivre, je ne sais pas. Aurora nous le dira. Après, c'était quelqu'un qui n'avait pas déjà quand même beaucoup de cœur. Bon, après, quand même, c'était une méchante, quoi. C'était l'enfoiré, quoi. Et, elle a détruit mon peuple, mais bon. Très bien. Je me prépare, mais vraiment en mode défensif. Je sens que j'ai besoin de l'aide de mes compagnons. Et je vais essayer de gagner un maximum de temps face à cet ennemi qui est capable d'arracher un cœur. Et j'ai l'impression qu'il lui a volé son cosmos en fait en même temps. Donc je vais essayer de me protéger, de jouer vraiment sur la défensive. Tandis, tu te mets en position de défense et tu vois que ton adversaire se met dans la même position que toi. Pas une position de défense, mais la même position que toi, la même position de défense. Voilà. Okay. Celle que ton père, prince du royaume d'Asgard, vous avait enseigné à ton frère et toi. Waouh. Arduna, c'est à toi. Un insecte à écraser. Ouais, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Pour le coup, je hausse les épaules, je lui dis, puisque tu n'as même pas le courage de m'affronter comme un homme, je te laisse volter de ci, de là, pendant que je m'occupe d'adversaires plus sérieux. Et en gros, je lui tourne le dos, et puis je continue à courir dans le couloir. Misérable insecte! Il t'attaque du coup. Ah, pas bien. Il est gonflé. Pas bien. Donc, il t'attaque pas bien. Moi, je... Ah ouais, à ce point-là. Je vais utiliser du coup la bénédiction de la forêt. En plus, je suis bien placé. J'attire donc à moi la puissance Avant que tu le fasses, normalement, je sais plus, normalement on aurait dû le faire en simultané, mais comme j'ai déjà lancé CD, il a tout raté. D'accord. Je sais pas si ça vaut plus d'utiliser un point de cosmos pour ça, sachant que de toute façon. Il tourne le dos et en gros il tape à côté ce crétin. D'accord, bon bah très bien, tant pis pour lui alors. Donc comme la première fois, je fais juste un pas de côté pour esquiver son coup. Et bah du coup je vais à mon tour me mettre en position d'attaque plus ferme. Décidément tu es bien trop prévisible. Cette fois-ci, la charge du sanglier ne te laissera aucune chance. Et à nouveau, mais cette fois, profitant qu'il est à côté de moi, je le foudroie à bout portant, à nouveau concentrant toute la foudre du sanglier de Calydon, je la projette sur lui, limite en lui posant les mains sur la poitrine. Et je balance toute la puissance de mon cosmos. Ça pèse beaucoup par la tête, un peu comme un gros coup de tête. 3 et 3, 6, hop, ça fait 4. Alors, beaucoup de 1, donc je vais pouvoir me permettre de tous les relancer en utilisant mon acharnement, puisque vraiment, j'en ai marre de lui, donc je m'acharne vraiment sur lui, quoi. Je ne le lâche pas, et je balance toute ma puissance dedans. Et donc, je relance 3D, allez, donne-moi du beau. Du sale. Un 6 en plus. Du sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. C'est pas mal, hein? Waouh! Tu l'as vaincu, je te laisse décrire comment est-ce que, après lui avoir tourné le dos, avoir esquivé, mais là il est vaincu également. Ok, parce que je lui faisais 3 dégâts par succès en fait. Oui, et t'en as fait 4, 5, enfin t'en as fait trop. C'est quoi 3, 18, ouais, normalement, ou alors c'est vraiment un sanglier d'or. Non, t'en as fait beaucoup trop, moi j'ai arrêté de compter au deuxième 6. C'est le format OAV, hein, les combats vont plus vite. Mmh. Ouais, c'est ça. Son armure éclate en 1000 morceaux. Je le tiens, hein, vraiment. Je le tenais par les épaules. Je lui ai tout balancé comme ça. Et du coup, il n'y a plus qu'un corps fumant entre mes mains. J'imagine. La peau brunie de la fumée qui s'échappe de lui. Et je me contente de le rejeter sur le côté. Et sans un regard pour lui, je continue ma progression. Puisque j'ai à cœur de suivre les instructions du gardien et de sauvegarder l'artefact dont il a parlé. Cette relique de la déesse que je sers, qui ne doit pas être corrompue par ses serviteurs d'Arès. Du coup, on retourne à Atalante, qui fait face. Oui. Alors, face toujours, voilà. Mais tu arrêtes de me bully. Tu es censé être ma copine. Tu fais face. À celui dont vous aviez tous ressenti le cosmos au tout début. Et je sens d'ailleurs que le cosmos est en train de m'échapper. Arrête cela tout de suite! Au nom d'Athéna! Allons donc. Athéna. Tu n'es pas sans. Si tu es chevalier d'Athéna, tu sais que. Elle ne reviendra pas. Tu parles sans savoir et te rendre compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Détrompe-toi, je sais. Je suis Kalios, de la rage céleste de la stratégie. Et je sais bien des choses. Sais-tu ce que c'est? Bon, il pointe avec son spectre, l'espèce d'artefact, ouais. Et c'est là qu'on se dit que c'était pas forcément la meilleure idée d'être l'aveugle avec celui qui... Mais je le ressens. J'ai la force du cosmos, t'inquiète pas. Pardon. Je le ressens. Je m'excuse d'avance pour tous les aveugles. Le ressens, je fais « Ceci est le mal. Ceci utilise l'énergie et le cosmos. » De divinité bienveillante pour en faire quelque chose de cruel et colérique. C'est à la fois vrai et aussi à la fois complètement erroné. Que dis-tu? Ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont les Kéresses. Les bouts d'âme des Kéresses qui sont les filles de Nyx la nuit. Et elles ne sont ni mauvaises ni bonnes. Elles dévorent tout ce qui est à leur portée. Cosmos, émotion. Et elles sont nées pour détruire. Elles ont été détruites puis emprisonnées et... Notre seigneur Arès, avec l'aide de Héphaïstos, a créé cet artefact pour contrôler les Kéresses. Pour récupérer ce qu'elles dévorent, récupérer ce qu'elles engloutissent et pouvoir utiliser cette énergie à son propre profit. C'est une arme. Ne pas arriver de cela. C'est une relique. Ce n'est qu'un outil, tout comme les armures que vous portez sont des outils, tout comme... Le burin de ton jeune ami qui a vaincu ce pauvre Brutus est un outil. Non, ce qui est mal ou ce qui est bon, c'est ce qu'on en fait. Sais-tu à quoi sert cet outil? corrompre et détruire. Il ne peut rien en sortir de bon. Ouvrez une brèche dans le... dans la protection qu'a mis en place Soitu lors de la dernière guerre sainte. Zeus en a eu marre de ces guerres entre Athéna et les autres dieux. Il a décidé que les humains auraient le droit au libre arbitre et que plus jamais aucun dieu n'interférerait ici. Il a laissé les armures, il a laissé les choses aux hommes et il a mis en place une protection. Il faudra un nom de cool, mais j'ai oublié celui que j'avais trouvé. Pour empêcher les gens de l'Olympe, d'ailleurs, de venir sur Terre. Par conséquent, ni Athéna, ni Arès ne peuvent se réincarner, ne peuvent prendre possession d'un humain, ne peuvent plus intervenir ici. Seulement, grâce à l'énergie des anciens dieux, qui de toute façon ne sont plus vénérés et dont leurs sanctuaires ne sont plus que des brefs échos des temps jadis, en les absorbant grâce aux terrestres et à l'artefact, nous aurons bientôt assez d'énergie pour ouvrir une petite brèche, une toute petite brèche dans cette protection pour permettre à Arès de revenir. Et par la même occasion, Atalante, si tu aimes ta déesse, si tu aimes Athéna, ce serait l'occasion pour elle aussi de revenir. Non, je ne te crois pas. Athéna n'accepterait pas que l'on relance la guerre sur Terre juste pour la faire revenir. Le don qu'elle nous a laissé, c'est celui de la paix. Je suis persuadé qu'elle refuserait que nous laissions faire cela. Et je sens mes compagnons hocher la tête derrière moi alors qu'ils ne sont pas morts. Mais je ressens leur présence et ils sont d'accord. Techniquement, Arduna et Ardinois arrivent juste à ce moment-là. Elle arrive dans ton dos. Tu entends les pas rapides d'Arduna. Puis Lorenzo ne va pas tarder. Nous allons d'abord revenir à Yuliana, qui fait face à ce fameux guerrier d'Arès Mystère. Il est en position défensive, si je me souviens bien. Oui, exactement la même que celle que tes parents vous ont appris à toi et à ton frère. Avant qu'il parte faire son entraînement. Est-ce que tu viens du royaume d'Asgard? Oui. Est-ce que tu connais ma famille? Est-ce que tu es venu ici pour me poser des questions ou est-ce que tu es venu ici pour te battre pour Athéna? Après avoir trahi les tiens. Je n'ai pas trahi les miens. Je vais protéger ce sanctuaire. Sanctuaire que vous avez souillé. Ton dieu est Odin, c'est Odin que tu aurais dû... protégé, si tu étais devenue prêtresse comme le destin l'avait voulu, rien de tout cela ne serait arrivé. Il attaque un angle que j'étais pas prête, et du coup ça me fait baisser un peu la tête, et il a un peu une ouverture, tu vois, Ah oui, il va attaquer. S'il a une ouverture, il va faire une attaque complètement gratuite. Moi je vais rester en défense quand même. Ah, tu fais comme ta défense, donc fais ton Great Ice Wall. Et c'est avec résistance et corps à corps, hein, c'est ça? Ouais, ou résistance et cosmos, c'est bien aussi, de toute façon, t'as pareil. Oui. Il va relancer son 1, parce qu'il le vaut bien. Oh là là. Moi, je peux relancer les 3? Non, tu peux relancer tous les 2. Non, ah en oui, fait, on... bah, j'ai rien. Je me suis trompé au départ. Je me suis trompé au départ, ah oui, c'est inférieur. Ouais, ton... oh, il passe, t'as fait 2 succès, il en a fait 3. Ouais, ouais, du coup, t'as fait 3 dégâts. C'est là qu'il m'a attaqué sur le côté prêtresse d'Odin et tout. C'est vrai que je suis pas dans mon royaume, je suis pas avec mon frère à l'aider. Tu baisses légèrement ta garde, des espèces de flogons. Du bout de ses doigts, traverse le mur. Vite sur ton mur et tu entends sa voix dire décidément, ton mur n'est pas encore parfait. C'est pas comme celui, maître. Il est encore imparfait, regarde, ici je vois une brèche. Il gratte un peu et il traverse le mur et te frappe en plein dans la poitrine. Genre tu recules de 3 mètres, tu tombes sur le sol. Est-ce que ça peut être un autre mur que celui où je m'étais déjà incrusté pour que vraiment détruire le décor un maximum? En fait, la force est tellement forte que ça te projette au plafond et c'est le plafond qui commence à y avoir des murs qui tombent. Ah oui. Je reste un peu encastré avant de retomber et de briser le dallage hyper régulier de ce sol un peu marbré où il y a un petit peu des reflets de nos pieds. Je vais trembler, mais je vais me relever tout doucement. Et je vais dire, ma place est ici, auprès de mes compagnons, et je vais protéger ce temple. Ce n'est pas à toi de me dire pour qui et pourquoi je dois me battre. Je sais très bien ce que je fais ici. Très bien, ta place est ici, c'est donc ici que tu vas mourir. Mais avant de mettre fin à tes jours, j'aimerais me présenter. Il enlève son masque. Et je suis Balder, de la rage céleste de la vengeance. Oh. Enchanté. Est-ce que c'est le visage de mon frère? J'ai peur là. C'est le visage de ton frère, mais presque la moitié de son visage a été brûlé. Il a toute une partie. Tout le haut du visage, jusqu'au nez, et tout est complètement brûlé. vraiment déstabilisé par cette vision. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Baldur? Pourquoi t'es là? J'ai décidé de... Tu vois qu'il hésite, il fait... J'ai décidé de faire revenir. J'ai décidé de redonner sa gloire au royaume d'Asgard. J'ai décidé de faire un véritable chevalier divin. En effet, j'ai décidé de faire passer ma famille avant, de faire passer les étrangers qui viennent de Grèce, ou d'ailleurs j'ai choisi de... C'est pour ça que tu attaques ta sœur? Je ne peux pas te laisser défaire ce qu'on fait. Les enjeux sont trop importants. T'es égaré. Je vais t'aider à retrouver le droit chemin. Et on rentrera ensemble à la maison. Tandis que tu dis ça, la température a énormément baissé dans la pièce. Tous les murs de pierre se sont recouverts de glace, la tienne, la sienne. Je calme mon esprit pour économiser mes ressources et concentrer la chaleur seulement dans les membres importants pour me déplacer. Et je ne vais utiliser qu'un seul bras pour éviter d'utiliser trop de chaleur dans mon corps. Donc on peut peut-être voir une partie un petit peu de... qui va prendre un peu la glace de la... vu que tout devient froid. Et je vais abandonner mon bras gauche. Regarde-toi, Yulena. Tu crains le froid. Oui. Oui. Et la princesse d'Asgard de jadis. Je m'adapte. Celle dont le mur était sans faille. Celle qui ne craignait ni le froid, ni l'injustice. Celle qui aurait dû servir Odin. Au lieu de rejoindre l'ennemi. Tu sais que tu es Tu remarques aussi que ses yeux sont injectés de sang. Il est peut-être pas naturellement comme ça. D'accord. Ça te laisse un petit espoir de peut-être retrouver un jour ton frère, mais il se met à nouveau en garde. Je vais utiliser... Ouais, vas-y. Je vais utiliser un peu la partie que j'ai congelée, un peu comme un bouclier en permanence sur moi, en fait. Tu vois, le Great Ice Wall, je voudrais l'utiliser un petit peu sur mon côté gauche, en fait, pour vraiment toujours avoir un côté où je peux me protéger et me cacher derrière, en fait. Et l'idée, c'est de le fatiguer, et encore une fois, de jouer la neige éternelle et d'attendre qu'il fasse un faux pas pour l'emprisonner. C'est lorsque j'étais dans le royaume d'Asgard seul, laissé pour mort, que tout le monde avait abandonné, j'ai pris Odin pour te revoir. J'ai pris Odin si fort, j'en avais mal aux mains. Mes mains étaient gelées, mon visage a été brûlé par le froid. Et j'ai prié Odin de te revoir. C'était la seule chose que je voulais, mais ce n'est pas Odin. Et une autre divinité m'a permis d'avoir plus de puissance que je n'aurais jamais. Il m'a promis le retour d'Odin. Et si, toi, ma sœur, tu me rejoins, nous pourrons redonner la gloire à notre royaume. Il te tend la main. Reviens parmi les tiens. Je ne peux accepter cette main. Tu n'es pas complètement mon frère. Je suis complètement ton frère. Les forces d'Arès sont arrivées à Asgard. Elles n'ont pas détruit. Elles ont prévenu, elles ont expliqué, et même père et mère les ont rejoints. Je ne te crois pas! Je l'attaque quand il dit ça. Ok, très bien. Très bien. Il est prêt au dépourvu. Il va pas se défendre. Oh, c'est là. Tu peux faire ton jet de résistance et corps à corps. La main qu'il te tend, il va la prendre dans la gueule. J'ai toujours 2 et corps à corps 2. Donc ça fait toujours 4D. Je nettoie et j'envoie. Et c'est un succès. Je peux relancer le 2 ? Si tu expliques pourquoi est-ce que ta volonté ou ton adresse rentre en jeu, tu peux, ouais. Après, l'adresse est facile, hein. Tu donnes un coup, l'adresse est plutôt facile à expliquer. Oui, ça va être l'adresse, j'ai profité de son moment où il est parti à parler de la famille. Comme moi aussi, j'ai eu cette faiblesse-là, donc je l'ai su reconnaître en lui. Et je trouve la feinte, et ça fait un 2. Bon, tant pis. Un succès. Ouais, ça lui fait... Tu pourras le relancer aussi si tu veux, mais bon, est-ce que ça vaut le coup pour ça? Ça vaut pas forcément le coup, non. Ouais, tu peux dépenser un point de chance pour relancer, mais... Alors le coup, mais un seul, non. Tu j'imagine que tu lui donnes une grosse gifle qui arrive sur sa joue. Ouais, tu sais, la joue qui est un peu déformée, tu m'as dit qu'il était un peu déformé. Ouais, il est brûlé par le froid sur une grande partie du visage. Du coup, tu le frappes, tu sens la brûlure, tu sens le froid, tu sens que son corps, il a plus du tout la chaleur d'un être humain. Et par contre, quand il met sa main est sur sa joue, il prend sa main, il la met sur ta main. Et là, tu ressens la chaleur. Tu ressens la chaleur de ton frère. Tu ressens quand vous jouiez ensemble. Tu ressens tous ces bons moments. Et... Oh, c'est dur. Ouais, joue avec toi. Je me vois plus l'attaquer, en fait. Il te regarde et il fait, tu sais, mon cœur a gelé lorsque j'ai échoué à devenir un guerrier divin. Sinon, Sinon, il aurait fondu. Sinon, on aurait pu être les meilleurs frères et sœurs du monde. J'aurais pu te protéger. J'aurais pu combattre pour Asia, toi pour Athéna. On aurait pu sauver le. Mais ça ne se fera pas. Je le regarde en pleurant et je fais, j'aurais dû être là. T'étais pas là quand t'avais besoin de moi. Alors que tu dis ça, il te regarde. Il a une main sur ta main, la main qui est chaude, qui est réconfortante. Et de son bras gauche, tu sens une lueur d'énergie fleurir sur son doigt. Et oui, pour ça, c'est une terrible attaque du blizzard éternel. Et il te dit... tu ne sens plus le cosmos agressif, tu sens plus la haine. Tu sens la bienveillance de l'époque. Il te dit, on se retrouvera dans l'autre monde. Et il t'attaque comme un gros sale. Non. Je vais essayer de me protéger avec mon côté... mon great ice wall. Ça devient un peu allemand. Malheureusement pris dans le moment, tu te défends pas. Pas. Tant pis. Non. Voilà, c'est la fin. Mais nous on peut rien faire. Oh c'est dur. Je l'entends nous appeler à l'aide. J'entends sa détresse. Oh là là. Je vois une étoile filante passer en sous-sol, mais je vois quand même une étoile filante passer, tu vois. Avons-nous réellement rejoint Atalante? Oui, on va laisser Yulena qui se prend 3 dégâts. Moi, mon armure, c'est ça, ma protection de 2. Ouais, ouais, tu te prends un dégât. Non, finalement, ça va parce qu'il a fait qu'un seul succès à son jet d'attaque sur les 5 dés, donc tu t'en sors pas. À bout portant. Ouais. Est-ce que c'est l'amour qui l'a arrêté? Est-ce que c'est la chance? On ne saura pas. Yulena tombe sur le sol et se prend un dégât où elle veut. Elle s'enlève un des attributs. La brise fraîche. Un des attributs charnels. Et nous retournons à Kelios, rage céleste de la stratégie, qui est avec Atalante, qui a été rejoint par Lorenzo et Arduna. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer à parler ou à agir. Moi, je leur demande où est Yulena, évidemment. Je sens sa cosmologie qui décline. Je rappelle pour information que d'après ce que tu ressentais, Arduna, quoi qu'il fasse, ça absorbe l'énergie de la déesse et il faut... Le temps file. Non, ça, c'est toi qui l'as ressenti, Atalante. Tu peux éventuellement le dire à tes petits camarades. Si nous voulons sauver Yulena, il va falloir terminer ceci ici et maintenant. Il absorbe notre énergie autant qu'il absorbe... Celle de ta déesse. Il faut briser cette machine infernale, donc. Il ne faut pas retenir nos coups, car sa folie est aussi redoutable que notre volonté. Quand tu dis ça, Kelios a un petit rire un peu strident, et il t'explique. Brise-la donc. Ce sont des divinités, filles de la nuit, qui sont enfermées là-dedans. Que penses-tu que tu vas arriver? Qui sont faites pour détruire, absorber. Que penses-tu que tu vas arriver si tu détruis l'artefact? Pauvres mortels, elles vont te dévorer, elles vont toutes nous dévorer. Elles vont dévorer cette forêt, elles vont dévorer ce monde. Pauvre idiote. Alors c'est toi qui seras brisé en premier. Ça va, oui. je jette un coup d'œil quand même à la ronde, voir où est la relique dont parlait le gardien. Quelle est-elle? Juste derrière Kelios, il y a effectivement un petit hôtel avec une boîte en bois. Et à l'intérieur, et la relique, vous la voyez pas, mais vous ressentez un puissant cosmos à l'intérieur. Et c'est sans doute ce cosmos-là qui est en train d'être absorbé. Ah. Lorenzo, Atalante. Je vous confie la tâche de défier cet adversaire. Mais qui sommes-nous si nous tournons le dos à nos amis? Je dois retrouver Yulena. Ok, donc Lorenzo, toi, tu essaies de retrouver Yulena. Ça marche. Bah moi, je vais mettre en position de la grue, et puis je vais attaquer. C'est-à-dire sur un pied? Et Arduna sur un pied, pas un pied. Effectivement. Rapide. Et Arduna, du coup? Pareil, je me mets en garde... mais alors, je pense que je vais profiter de la diversion que va offrir Atalante pour moi me ruer, m'emparer du coffret. Très bonne idée. Merci. Histoire quand même que... Ok, très bien. Du coup, pas besoin de faire de G, Lorenzo. Il n'a pas l'air de faire attention à toi. À partir du moment où tu quittes la pièce, tu quittes la pièce. Pareil, Arduna, tu sens que tu n'as plus la protection du gardien. Ouais, ça nous a été ravis par cette machine. Et du coup, tu peux me faire un jet pour essayer Je vais lui faire la Dazzling Dance. Hein. C'est la version tout public de l'attaque japonaise. Tu peux effectivement essayer de t'emparer de la relique. Arduna. Ouais. Tu laisses faire. Par contre, je peux pas attaquer. Non. Je préfère qu'on le fasse après, comme je vais pas réussir à gérer les deux en même temps, donc on fait vite fait, d'arriver à s'emparer de trucs. Ça roule. Ouais, ok. Bah, en fait, je fonce façon rugbyman, hein, quel que soit l'obstacle qui est devant moi, et je cherche à attraper ce coffret, comptant sur l'attaque d'Atalante pour empêcher Kelios de m'en empêcher. Il y aura pas d'opposition, c'est juste faut pas que tu te trappes. D'accord. Un succès, et puis c'est bon, parce que effectivement, Atalante attaquant Kelios, il pourra pas et se défendre et attaquer, et en même temps t'empêcher de prendre la relique. Il faut juste que tu sois suffisamment rapide pour la prendre avant qu'il puisse agir à nouveau. Il risque de t'attaquer à bon portant. Mon attribut charnel, du coup, actif. Petit rappel au système, parce que... Ouais, vas-y. Un succès, ça suffit. J'ai pas de talent qui s'appliquait à ça, quoi. C'est largement suffisant. Petit rappel système, ça peut servir éventuellement à Yuliana, mais vous avez un petit ZV pour dire combien de flashbacks vous avez droit, et en utilisant un flashback, vous pouvez récupérer tous vos points d'attribut, donc... Je sais que Yuliana, elle a pris un peu cher, ça peut servir. Faire un flashback, moi. Ouais, très bien, je suis en train de réfléchir. Tu te mets dans la tête qu'il faut faire un flashback. Oh bah avec ton frère, là, t'es servi en flashback. C'est clair. Vous courez dans la neige. Du coup, tu attaques et Kelios, il va se défendre. Ok, je vais manger, du coup. Ouais, vas-y. Agilité corps à corps. Plus... Ah non, c'est la Dazzling Dance. Ouais. Donc c'est agilité plus cosmos. Non, c'est corps à corps. Ouais, agité Cosmos, ouais. Cosmos, il a re-rappé dans le chat tout à l'heure l'auteur. Okay. Cosmos, ça marche pour les techniques stellaires. Ok, ça marche. C'est pas le feu pour l'instant, j'ai que 3 réussites, mais j'ai de la relance certainement. Pardon, j'ai oublié de préciser, mais lui il est en défense. Moi je suis en attaque, ça tombe bien. Ok, est-ce que. Je suis pas encore furieuse, non, j'ai demandé si furieuse ça passe, mais je pense pas de furieuse. Je suis pas encore furieuse, je suis encore dans la dévotion pour Athéna. De toute façon, Furieuse, ça change rien par rapport aux autres, puisque c'est un façon, t'en as qu'un à 4, tu peux pas le relancer avec Furieuse. Oui, c'est vrai, en fait, je peux relancer que les 2 et les 1. Ouais. Que les 1, du coup. Ouais. Que le 1, ça veut dire. Ok. Je relance, du coup, 1. Eh, c'est un nouveau 4. Ça fait 3 réussites. Ouais, et lui, il en a fait 1, 2, 3, 4. Ça ne passe pas. Oh tu fais ta Dazzling Dance, en fait, son espèce de... il fait tomber son spectre, ça fait une espèce de vent qui annule complètement ton attaque. Ouais, quand je saute dessus avec les bandelettes et les coupiers, tu vois, et j'arrive pas à l'entourer, en fait, avec le coup de vent, les bandelettes se retournent, elle part dans tous les sens, et je retombe sur le sol sans l'enfermer. C'est ça. Et C'est pas vrai. Que désire ton cœur, Atalante? Que désire ton cœur, Atalante? Maintenant, t'arrêter, quoi qu'il en coûte. Ce n'est que pour cela que tu veux t'arrêter. Tu préférerais pas retrouver la vue? Ou quelqu'un qui t'est cher? Oh, c'est vil, ça. Tu veux dire que Yuliana arrêterait de me lancer des piques toute la journée, c'est ça? Non. Si c'est que ça, Yuliana est bientôt morte, c'est pas... Je suis allé un peu trop loin. Mais Non, je suis... Arès est un dieu et en tant que tel, il peut t'offrir plein de choses. Non, un dieu de la guerre n'a rien à m'offrir. Ce n'est pas pour ça que je me bats. Je suis tel que j'ai été faite. C'est un bon ami d'Adèle. J'ai été choisi. Tu pourrais retrouver des gens qui étaient morts, les faire sortir des enfers, tu pourrais. Les possibilités sont limitées. La majorité des serviteurs d'Arès sont là parce que il leur a offert ce que leur cœur désirait. Et toi, que désire ton cœur? Je ne souhaite qu'être avec mes compagnons. C'est là ma seule famille et la seule personne avec qui je veux être. Et tu te trouves sur mon chemin, entre moi et eux. Très vite. Et je vais donc exaucer ton vœu et je vais te tuer, comme ça tu rejoindras les autres dans la mort. Du coup, Arduna, t'as bien la petite boîte avec toi. T'as réussi à la récupérer. Tu es derrière. Pour l'ouvrir, pour voir si cette relique peut nous être utile dans ce combat. Oui et non. Le cosmos éventuellement pourrait vous aider, mais parce qu'il est bienveillant, il peut vous reconforter éventuellement, mais c'est en fait l'armure d'Arduna. Vous pouvez pas la porter parce que vous n'êtes pas des dieux, mais c'est son armure. Tout comme Athéna possède une armure, tout comme Arès possède une armure, c'est vraiment l'armure d'Arduna. Voilà, c'est ça, une forme miniature de son armure qui, si Arduna était là, elle pourrait la revêtir et combattre. Ah ouais. Par contre, là, vu que j'ai foi comme attribut cosmique fort, bah, je ressens fortement à l'honneur de poser mes yeux sur cet objet particulièrement important. Surtout que tu croyais qu'il était perdu, il n'était pas censé se suicider ici. C'est pas. La dernière fois qu'il était là, il n'y était pas. Donc il faut que je la préserve de son engin infernal qui en aspirera tout le cosmos. Cet objet ne sera plus qu'une un bout de métal sans âme. Ça sera une armure morte. Ça sera une armure morte et plus personne. Voilà. Ouais. Et Lorenzo n'a pas encore le talent pour la ressusciter, je pense. Non. Et puis surtout, les armures, quand elles sont cassées, on peut les réparer. Ça, Lorenzo sait très bien le faire. Par contre, quand une armure est morte, il faut du sang pour la ressusciter. Une armure de bronze, ça va, le sang de n'importe quel chevalier la ressuscite. Mais une armure de dieu, pour la ressusciter, c'est une autre paire de manches. Je me doute. Lâche ça, chevalier. Tu ne peux ni la porter ni t'en servir. Ah, qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est Kélios toujours qui a remarqué que tu. Je la souffrirai, en tout cas, à ton avidité. Tu n'y toucheras pas et tu n'absorberas pas sa vie. Pauvre folle. Si je ne peux t'offrir ce que ton cœur désire, je vais te détruire. Et retourne à Yuliana. Et enfin, un petit plan rapide comme sur Lorenzo qui court. Et on retourne sur Yuliana. Courage, chevalier. Tu es bientôt arrivé. Il se relève difficilement tandis que des petits glaçons tombent des yeux de son frère sur ses joues et se brisent sur le sol. Voilà. Et ça me rappelle quand on était petit. Oui, je me souviens. On avait été jouer dans la neige, on s'amusait un petit peu à dévaler les pentes, tout fou. Et je en fait, il a. Un bonhomme de neige. Et lui, il a dévalé la pente, mais vraiment très très bas, et on l'a perdu. Et j'étais la seule à la chercher alors que la nuit est tombée, guidée par l'étoile polaire, l'étoile du Nord, plus précisément, qui m'a éclairée, et j'ai trouvé mon chemin. Il était frigorifié, et c'est ma main sur son visage qui l'a réchauffé et qui lui a donné l'espoir. Et il a rouvert les yeux, et. Je l'ai porté sur mon dos et je l'ai ramené à la maison. J'étais là pour lui quand on était petit. Et j'espère que quelque part au fond de lui, ma main chaude sur sa joue lui rappellera aussi ce souffle. Je pense que qu'il s'en rappelle et que c'est justement pour ça que ces petits glaçons sont tombés le long de ses joues et se sont éclasés au sol. Il t'aime. Et moi aussi, arrêtons cette guerre. Oui. Son cosmos s'arrête pas de. Tu te rappelles combien t'avais dans tes tétrigos? Oui, j'ai remis. Ouais. Parfait. Tu sens que son cosmos n'arrête pas de vaciller entre l'agressivité, il a après tout la rage céleste placée sous l'égide de la vengeance, et l'amour, et c'est assez perturbant. Mais tu te relèves comme si tu sembles tout ragaillardi. Que fais-tu, Viliana du Polophilat? Essaye de libérer. Sœur de Balder de la vengeance. Je vais libérer mon cosmos pour l'entourer d'une douce chaleur, celle du foyer. Et je vais utiliser mon pouvoir de prison. Freezing the Gel, attribut charnel actif, donc c'est audace, oui. Plus cosmos. Donc là, je passe à 5D. Je donne tout, là. Si tu réussis, tu vas pouvoir lui l'attaque. Hein, tu peux cramer le cosmos aussi pour avoir des dés en plus. Alors là déjà je fais 3, 1, 2, 2, 1, parce qu'il se passe absolument rien. Je vais les cramer, hein. Je vais relancer 4D. Hein. Mais déjà gratuitement tu peux lancer tout sur le déjà point, gratuitement. Avec ta volonté quoi. Allez, je pense au foyer. C'est ton frère. C'est le frère, c'est la famille. 2, 6, bam, 4 succès. Ah oui, 4 succès, il en a fait 1, 2, 3, 4 succès. Oh non, qu'est-ce qui se passe? En cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? Faut que je regarde dans le livre, mais c'est pas vraiment une égalité. Ah, je vais demander à Romain plutôt, mais là ce qui se passe c'est que lui t'attaque, mais toi tu lui fais des malus, donc comment ça marche dans ce cas-là? Il est marqué malus 2, parce que quand les deux attaquent c'est facile, celui qui gagne il fait des dégâts, quand celui qui attaque il défend. C'est celui qui s'approche le plus du zéro absolu, qui remporte. C'est clair. attends... Ah là, le cas particulier, c'est trop bien. Je crois que j'ai pas été détruit par les idées. Ouais. Ça n'arrive jamais. Ah bah elle a des amis. Cosmos, hein. Ah non, non, c'est bon, il a tout prévu, monsieur Romain. Une attaque effet malus, une attaque en utilisant que cet effet n'affiche pas de dégâts, mais les succès sont tout de même comptabilisés afin de déterminer qui est le sort vainqueur de l'opposition. Ah. Et du coup, en cas d'égalité, bah, je crois que. Se passe rien. Rien du tout, et pour l'attaque et pour la. Personnage offensif versus personnage offensif, celui qui obtient le plus de succès touche l'autre. Donc en fait, vous n'êtes pas touché. En gros, il t'a fait son attaque de la du blizzard éternel, de son froid. Alors attends, parce que dans résoudre une attaque en opposition, c'est quand même indiqué qu'en cas d'égalité, un PJ l'emporte toujours sur un PNJ. Ah. Oh. Même les gros. Ok, très bien. C'est une bonne, c'est excellent. Du coup, après appel de l'arbitre. Il n'a son attaque t'a pas apporté parce que tu l'as emprisonné. Pendant la prochaine action, il aura 2 dés en moins. Ok. Et c'est là qu'arrive Lorenzo, bien sûr. Tandis que ton jeune frère est emprisonné par tes anneaux de glace. Que fais-tu, Lorenzo? Est-ce que Lorenzo a cette, comment dire, ce savoir méta qu'ont certains personnages de shonen? En devinant que Yuliana se trouve face à son frère, tant aimé. Disons que ça se voit que c'est pas un ennemi ordinaire, quoi. Tu sens qu'il y a une espèce de proximité entre les deux, on va dire. On se ressemble beaucoup. Il est peut-être à peine plus grand que moi. Et si je te vois arriver, je vais crier, hein. Renzo, l'attaque pas, c'est mon frère. Il a perdu la raison. Nous t'avions senti partir. Nous craignons que tes jours ne... n'arrive à leur fin, mais tu es toujours debout et tu as triomphé de ton adversaire. Ton frère, dis-tu? S'il reste du bon, lui, peut-être qu'il saura comment emprisonner. Mais il reste du bon en moi, c'est juste une notion très relative. Je ne suis pas ici pour débattre philosophie avec toi, mais si tu es bel et bien le frère de ta sœur. Oui, c'est le grand texte. Contre Yelena, j'ai eu pitié, mais contre toi, je n'aurais aucune pitié. Bam, il t'attaque. Mais non, il est entravé. Il est entravé. Bah, oui, du coup, ça lui fait moins de dégâts. Il a un gros malus et du coup, bah, il arrive pas à t'attaquer. Yelena, laisse-moi. Arrête. Tu es ma sœur. Pourquoi? Et tu es mon frère. Dis-nous comment stopper cette machine infernale. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis là pour toi. Il faut que tu reviennes à la raison. Renie Arès. On ne peut pas la stopper. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'éloigner des... Empêcher les Kérès de trouver de quoi se nourrir. On peut la jeter dans un gouffre béant. On peut la jeter dans un volcan. Que sais-je, un endroit où elles n'ont pas de cosmos à dévorer. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ce sont des divinités. On ne peut pas les tuer. On ne peut pas les... Seule Arès a réussi à les contraindre. Tu veux pas tout détruire. Voilà, Balder, tu nous as apporté la réponse. J'ai entendu dire que un héros d'Asgard avait tenté de se sacrifier en emportant son adversaire dans les cieux. C'est peut-être ça que nous devons réaliser. Arracher cet artefact à l'emprise terrestre et l'expédier là où personne ne pourra plus jamais le retrouver. Ils ont la ref. L'ultime dragon. Fichés, mes camarades. L'ultime dragon, c'est ça que tu penses. Le fameux ultime dragon. Je faisais un clin d'œil à Siegfried, histoire de rester dans l'univers d'Asgard, mais bon, vous avez très bien compris. Balder était un idiot. Il est mort pour rien. Il a déclenché le Ragnarok. Je serai un tout autre Balder, un meilleur Balder. Et avec moi, Odin reviendra. Il y en a, c'est ta dernière chance de me rejoindre. Je m'apprête à lancer sur vous ma plus terrible attaque, le zéro absolu. Ah oui. Et sur ce suspense, on retourne à Kelios, Atalante et Ardiona. Ardiona, après avoir récupéré la relique, qu'en fais-tu? Tu restes là et tu combats Kelios ou tu vas la mettre à l'abri et tu reviens? Quel est ton plan? Quel est ton style de me barrer. Je la pose derrière nous, en tout cas, pour que lui ne soit plus à portée. Mais maintenant, je vais aider Atalante, puisque je vois que cet adversaire donne du fil à retordre. Oui, moi je continue de toute façon à attaquer. C'est pas n'importe qui, visiblement. Tant que je le peux. Très Très bien. On va continuer la bagarre. Ah, tu me plais là. Là, tu me dis des choses que j'aime. Bah, je vais. Ouais, je vais lui porter mon ma plus puissante technique. À Talente, si j'arrive à le toucher, tu auras une petite fraction de seconde pour ensuite toi-même t'en prendre à lui. Il sera trop sonné pour réagir. Je... C'est qui tout double. Car à Talente va se couler d'un instant à l'autre, il est bientôt l'heure. Elle a bientôt plus de voix, elle ne pourra plus parler. Je saurais prendre ce moment. Très bien. Bah, lui va se mettre en défense parce que il a pas trop le choix. Ah. Oh, il a peur. Tu as peur, chevalier. Non, il a pas peur, mais le système est fait de telle manière que quand t'es en offense, quand t'es offensif, faut diviser tes dés, ou alors tu peux faire qu'un un par un. Et quand t'es en défense, tu peux te défendre contre plusieurs adversaires. Donc il va donner le maximum en défense. Cette subtilité mécanique m'a totalement échappé. Je vais. Il aurait pu vous latter chacun votre tour, effectivement. Oh, tu parles. On va essayer, oui. J'utilise tout ce qui me reste en cosmos pour jeter 2 dés de plus. Très bien. Non, pas très bien, pardon, je suis désolé, mais tu ne peux pas. Il bloque ton cosmos. Ah merde. Vous ne pouvez plus utiliser votre cosmos. Oh, la magie. Quoi ? J'ai économisé de ouf. C'est la magie. J'ai pris l'avantage cosmos élevé. C'est long, ton chevalier. Pardon, Atalante, tu peux pas, mais Arduna, tu peux encore une fois. Après, tu crois. Oh. Atalante, t'es arrivé avant. Ouais, j'arrive avant. Et tu peux utiliser combien ? C'est une question de chiffre ou c'est une question d'occasion ? Autant que tu veux, là. Lance tout. Comme tapis. C'est vidé. Je garde un petit le cosmos de réserve de mon armure au cas où. Arduna, mes forces m'échappent. C'est pas quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, tous les autres des 4, je peux même pas les relancer. C'est chiant. En fait, faire 4, c'est vraiment la loose. Je veux pas, je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je sais pas si vous avez vu celui de Kelios. C'est moi, je vois qu'il était 6 là. Je sais pas où tu le lances. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça n'existe pas, ce genre de jet, s'il vous plaît. Ah, lui, il en bloque. Il a pas de problème avec le cosmos. C'est dégueulasse. Alors attends, moi, j'ai fait 3 dégâts. Bah, mais il paraît que ça arrive à un homme sur 5, hein, ces îles. Le problème du cosmos. Alors, j'ai dit qu'il en avait fait combien ? 7. 7 fois 3, je lui fais 21 dégâts. Et lui, il bloque. Et ça, c'est une technique de défense qu'il utilise ou juste une défense ? Non, c'était une ligne de défense. On va dire qu'il a 2. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, de 16, 21 moins 16, je lui fais 5 hein, quand même. Oh ! Bravo, ça s'applaudit quand même. Mais est-ce que j'ai le droit de l'aider, du coup, sur l'attaque à 2 ? Est-ce que ça compte ou pas ? Oui, tu peux attaquer, tu compareras au même G. Ah, mais je peux t'en dire, je vais être compliqué. C'est comparé ou vous allez additionner vos succès ? Parce que là... Si tu veux l'aider... Si tu veux l'aider, il y a plusieurs manières de faire. Les attributs cosmiques, c'est mort parce qu'il a fait trop. Ouais, corps à corps, tu peux lui donner un dé supplémentaire. Ah. Allez, il va faire 6, et voilà. Bah voilà. Tu vas voir, attention. Il suffit d'un dé, parfois. Bah oui, tu vois. Jette en plus. Vas-y. Un dé en plus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord. Un dé en plus parce que tu l'aides. Ça va être un 6. Avec ton corps à corps. Non. Oh la vache. Pas du tout. Non, c'est un 1, mais du coup, je peux le relancer. Eh ben oui, t'as pas fait de relance. Tu peux le relancer, ouais. Et là ? Voilà. Mais non, ah non, mais... un. Encore du cosmos ou comment ça se passe ? Tu lui fais 5 dégâts. Tu brises quand même son spell. Tu lances encore, je crois. Ah, tu lances encore ? Non. Bah, je peux pas. Tu brises son spectre. Oh. Non ! Ce spectre m'avait été donné par des cardinaux du Grand Arès. C'était le seul à me protéger de l'action des Kyrès. Je suis comme vous maintenant condamné à perdre toute vie. Parce qu'il est trop près de la machine. Mais dans ce cas-là, comment ça nous a fait ? Vous sentez votre cosmos être absorbé et partir en direction de l'artefact. Il faut se débarrasser de ceci. Le sol tremble et personne ne retrouve. Vous avez plus de cosmos, quoi. Vous vous sentez. D'ailleurs, d'un coup, vous n'arrivez plus à marcher. Ah, je m'écroule. Non, je marche. Lorenzo, toi, tu les vois s'écrouler, tu vois tout ce qui se passe, mais dans ton bonheur, comme il y avait beaucoup d'escaliers quand même, tu es arrivé un peu plus tard et du coup, tu n'es pas encore rentré dans la salle de l'artefact. Et toi, tu as encore toute la possession de ton cosmos. Que fais-tu? Je rallume mon micro. Non, pardon, t'es avec le frère de Yelena, je suis bête. Moi, ça me va, hein, ça me va que je sois au bon endroit. Il est tard, tu sais. Ok. Ouais, t'as laissé Yelena avec son frère. T'as laissé Yelena avec son frère et t'arrives... Je sens ce fini. Ouais, de toute façon, Yelena... Elle le défonce. Yelena, t'as réussi à convaincre ton frère. Oh, bah on suit Lorenzo, alors... T'as un gros score de persuasion, il est 23h28, on avait dit qu'on arrêtait à 23h30. T'as réussi à convaincre... Nous débarquons tous les trois. Et du coup, Lorenzo, Balder et Yelena, vous arrivez, Balder qui est devant vous, vous dit tout de suite, ne rentrez pas dans l'air des fées des Kérès, sinon vous perdrez tout cosmos et toute envie de vivre. On peut faire. Notre cosmos est encore intact. Je pense qu'on se regarde, on est trois, pour Odin... Pour Athéna, pour Arduina, on va se jeter sur cet artefact et réaliser l'Athéna Interrogation, je sais pas, on va, l'expédier dans l'espion. Mais c'est interdit. C'est interdit, et prohibé par Athéna. Vous voulez utiliser l'Athéna Exclamation sur l'artefact avec l'Icarès? Très bien. Bah, on veut l'expédier. Je voudrais pas enlever l'initiative. Renzo a eu une initiative de toute l'histoire. Je pense qu'il a pris confiance au fur et à mesure de l'aventure. Je suis ton call. Il faut en finir avec ça. J'ai dit interrogation, tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais bon. Ah, du coup, c'est celle-là et celle-là est autorisée par Athéna. Celui-là, il est bon, non, moi. Du coup, il y en a trois qui peuvent le faire. Mm. Du coup, vous expliquez à Balder, vous mettez en position. Ouais. Ah, c'est interdit. Pas bien. Et compagnon, il le faut. Sinon, toute vie disparaîtra. Vous lancez la fameuse Athéna exclamation et la puissance d'un soleil, hein, c'est ça, hein, la formulation qu'on s'est fait, la puissance d'un soleil fond sur l'artefact. Kelios, lui, utilise toute sa puissance et se met devant en se protégeant et. Utilise tout son cosmos, mais vu que son cosmos a déjà commencé à diminuer, puis de toute façon, c'est une telle exclamation avec son cosmos à fond, il n'aurait jamais réussi à bloquer l'attaque. Il est complètement détruit. L'artefact est propulsé dans l'espace. On le reverra sans doute plus jamais. Et juste après, Balder s'effondre. Et commence à convulser et à se sentir pas bien. Atalante, vite, aide mon frère! Il est là, à gauche, à droite, avance, prends pas. Il est un peu partout, surtout ton frère, à mon avis, là, non? L'autre gauche. Ma chère. Je suis sur le sol. Ouais, du coup, Atalante n'a plus de cosmos, tu te déplaces jusqu'à son frère, mais difficilement, parce que, les armures sont des êtres vivants qui se meuvent grâce au cosmos. Donc à partir du moment où vous n'avez plus de cosmos du tout, ça devient des gros morceaux de métal, c'est du bronze, donc c'est très lourd. Et du coup, Atalante n'arrive même pas à rejoindre ton frère, à lui tient le bras Balder te regarde, Yelena, et te dit « Ne t'inquiète pas. Lorsque nous revivrons, nous serons à nouveau frères et sœurs. Dans un monde en paix. » Et il meurt. Perds pas au chemin. Et je ferme les yeux et je reste posé sur son corps. Quand tu lui fermes les yeux, tu vois qu'il a un sourire. Un sourire jusqu'aux dents, un sourire heureux, un sourire apaisé. Et vous avez sauvé le sanctuaire d'Arduina, vous avez empêché Arès d'ouvrir une brèche dans la protection. Et puis voilà. Non, mais il faut sacrifier Lorenzo. Lorenzo, si Athéna est plus tard, on ne peut plus être banni. Pardon ? Techniquement, il y a quand même le grand pop qui est la loi d'Athéna sur Terre. Il pourrait vous bannir ou vous punir. Mais je pense que si tu expliques que c'était pour sauver la Terre et empêcher Arès de revenir, je pense qu'il y a moyen. Enfin, ça. On est dans Athéna Exclamation, mais Lorenzo, il s'est saisi de l'artefact pour l'expédier avec lui dans l'espace, tu vois. Le petit jeune qui se sacrifie. Comme tu préfères. Voilà, c'est la fin alternative. On restera à corps avec l'ultime dragon. L'ultime dragon. Et du coup, il n'y aura pas de deuxième séance, a priori. Bah non, il est mort. Si Lorenzo il meurt... En tout cas, pas pour Lorenzo. Lorenzo. Tu l'aimais tant que ça? Ah bah apparemment. Moi, j'aimais bien Lorenzo. Enfin, moi, j'aimais bien vos persos, en règle générale. Faut prendre des notes, j'étais pas chaud. Là. Je te laisse te décrire notre personnage, ton personnage, Romain, pour ceux qui n'auraient pas la couleur. Ok, bah... C'est la blague de Donjon. Le porteur de torche. Oui. On joue pas à Donjon, pardon. Mais voilà, je voudrais quand même compenser ce déficit en hauteur, mais pas en puissance, je tiens à préciser, même si c'est déjà âgé. Ah non, mais je te regarde, mais tu vois pas, c'est vrai. Et en fait, alors que tu étais en train de sauver qu'il allait mieux, oui. Le professeur Maximilien Hochad a essayé de te poignarder. Quoi? Ah, je m'attendais pas du tout à celle-là. Du coup, je vais laisser ma sagesse à 1. Les cailloux, c'est un roi idiot à force de prendre quelques coups sur la tête, ouais, j'avoue. À moi! Oui, j'ai des techniques. Crushing cheese, allô? Je suis pas un cochon! Je suis Ébus! De la rage céleste, de la pestilence! Ah merde! Il va essayer de me rendre malade, lui. Oh, il a les yeux injectés de sang! N'oubliez pas de vous abonner!